sa bella tu sei d'ore, je ne te so che fare, je ne te si t'avore, c'è la culla che la tua. La spinach o la bouchon, si grette portobello, si racchi spacaletto, c'è la culla che la tua. Pilatine, voulez-vous la teximite? Le zionta sous la cita. Tula, tula, tula, wa. Sa montia si la mora, la sontia sopra vora. La zonche, comme ça, c'est la peau de sa fille à toi. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop sa vite, je la passe sa fille à toi. C'est mon très seul centre, tu vas sur l'autre volta. Les anches si catonta. Tralala, tralala. À l'écoute de Radio Libertaire, c'est Bulle de Rêve, l'émission 100% animation, c'est la semaine. Un programme très chargé aujourd'hui, on est un petit peu en retard avec moi comme d'habitude, mais un programme très chargé, on va parler de deux festivals qu'on va essayer de promouvoir, image par image, avec... ça y est, j'ai trouvé moi, Yves Bouvray, qui est en retard, mais qui devrait pas tarder à arriver, Sébastien Lodenbach, bonjour Sébastien. Bonjour. Oui, c'est mon micro, réalisateur, et qui a notamment fait le catalogue, l'affiche du festival. On parlera de lui, on va parler aussi du coup de projecteur qui est mis sur l'ENSAD, une école que j'aime particulièrement, vous le savez, avec François Darras, prof depuis des années à l'ENSAD. On va parler avec lui. Bonjour François. Bonjour. Avec Juliette Bailey. Bonjour Juliette. Bonjour. Qui a fait l'un des très très bons films de la dernière section d'animation. On va en parler. Bernard Boulat, c'est tellement de noms. Bonjour. Bonjour. Qui va nous parler. Lui, il a fait la section animation canadienne et québécoise, pardon, parce que c'est la francophonie. Ouais, si on veut. On va en parler. Qui est à l'honneur. Et Yves arrive en plein direct. On l'applaudit. Bravo. Yves est là. Donc, avec Bernard, on va parler. On va essayer de parler aussi un peu de l'animation québécoise et canadienne en général. Et en deuxième partie, on va recevoir, ça tombe bien qu'il soit là, parce que j'ai tout simplement oublié le nom de mon dernier invité, qui est le directeur de Ciné Junior. Yves, tu le connais bien, c'est Sébastien. Sébastien. J'ai un super trou. Perlet, je crois, ou quelque chose comme voilà, ça. En tout cas, bonjour Yves. Bonjour. Reprends ton souffle. Ah, reprends ton souffle, surtout que le temps de faire une toute petite intro. D'abord, j'aurais vous souhaité une bonne année 2007 à tous les auditeurs qui sont là. Une année qui va être marquée pour l'animation, par Auch et Annecy et par la grande rigolade médiatico-politique des élections présidentielles où on devra choisir entre plein de guignols. Il y en a un qui ne verra pas ça. Vous allez me permettre juste ce petit moment d'émotion pour moi, parce qu'il a décidé de partir cette semaine, c'est mon grand-père qui est décédé mercredi matin. Je vais lui rendre un tout petit hommage ici à ce micro. Vous inquiétez pas, ce sera pas trop, juste par toutes les musiques que je vais mettre à droite, à gauche. C'est quelqu'un d'important pour moi. Il m'a, on va dire, au niveau politique, quelqu'un d'anti-clérical forcé. Mon arrière-arrière-grand-père avait créé l'un des premiers magazines à Fontainebleau, première revue, il était imprimeur. Il avait voulu être curé, et puis après quelques temps, il s'est rendu compte de tout ce qui s'est passé, donc il en est sorti et il a fait sûrement un des magazines les plus méchants au niveau de l'église que je connaisse, très réjouissant. Et donc voilà, donc il m'a beaucoup appris et je l'en remercie. Et voilà, la rue des Canettes, qui est la rue où il est né, et moi nous sommes très tristes et on va pour lui rendre hommage, passer, alors je suis désolé, un tout petit bout d'une de ses musiques préférées, qui est le Boléro de Ravel. On va passer les 5 dernières minutes et après on revient avec tous nos invités. On écoute. Thank you. C'est toujours Bulle de rêve, l'émission 100% animation. Vous écoutiez, je suis désolé pour les puristes, la fin du Boléro de Ravel dans la version dirigée par Herbert von Karajan. Voilà, en hommage à mon grand-père. On revient à Yves Bouvray qui vient d'arriver. C'est lui qui enchaîne de suite. Oui. Pour image par image. Alors, Yves, pour ceux qui étaient là l'année dernière, quasiment à la même époque, ils savent un petit peu ce qu'il en est d'image par image. On ne va pas revenir sur tout ça. C'est la combien d'éditions ? C'est la septième. C'est l'âge de raison. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec cet âge de raison, est-ce qu'il faut encore se battre par rapport à l'île de France, au Val d'Oise, avec tous ces gens qui donnent de l'argent, ou est-ce que maintenant, ça y est, t'es tranquille ? Non, ça va. Non. Il y a un très, très bon soutien, justement, des collectivités territoriales. Bah, la première, c'est le Conseil général du Val d'Oise, qui est tout à fait convaincu et qui a inscrit dans son action cinéma le fait qu'il y a un festival de cinéma d'animation, évidemment sans jury, sans compétition, mais ça, c'est la spécificité, et qu'il inscrit comme une action de mise en réseau. Et la DRAC Île-de-France, qui dépend donc du ministère de la Culture, qui est une déconcentration aussi, soutient très fortement de façon croisée avec le Val d'Oise. Et depuis l'an dernier, on a un nouvel interlocuteur qui est un nouveau financeur, qui est le Conseil régional d'Île-de-France, qui en fait finance le festival depuis la sixième édition. Donc pas de problème au niveau de l'argent, au niveau des... Non. Les gens sont bien payés. Ça va, c'est-à-dire que c'est au sein d'une association qui s'appelle Écran Val d'Oise. Donc moi, je suis le seul permanent. Et donc c'est vrai que c'est un peu l'enjeu, c'est que organiser un festival comme ça sur une longue durée, 13 février au 17 mars, donc de façon itinérante dans 17 salles du département du Val d'Oise, qui va, on va dire, de Roissy plus à l'est, quoi, vers Gargé-Gonesse, Sarcelles, etc. Au plus à l'ouest, c'est le Vexin, donc quasiment le début de la Normandie. Donc c'est vrai que c'est un grand département, et c'est vrai qu'il faut une bonne énergie pour le couvrir. Tout ça, c'est facile pour y aller ? Si jamais les auditeurs plus parisiens veulent y aller, ça va ? C'est très facile. Alors il y a soit le RERC, soit Saint-Lazare, par exemple, pour aller vers Argenteuil, c'est à 15 minutes ou Aubonne. Donc c'est assez rapide, il n'y a pas d'excuses à avoir. Gare du Nord vers Angers, etc. Non, c'est vrai que c'est très bien desservi. Sauf si on veut vraiment aller à Magny-en-Vexin, où il y aura des séances scolaires ou de goûter aussi. Mieux vaut habiter sur place, on va dire. D'abord, c'est plutôt des séances faites d'ailleurs pour les écoles sur place. Oui, qu'ils sont à 30 km du premier cinéma et... Bon. Et donc, voilà. Alors, pour en savoir plus sur image par image, on va dire l'historique, vous pouvez écouter Yves dans l'émission de l'année dernière qui est sur thewebanim.com. J'ai remis récemment sa superbe émission de l'année dernière. On avait fait un marathon tous les deux en très longtemps. On va passer. Alors, comment on fait succéder. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est terrible, le trou de mémoire, surtout en direct, le réalisateur d'Atamayama. D'Atamayama, oui. Qui est donc... Koji Yamamura. Koji Yamamura, comment on décide de prendre Sébastien Odenbach après Koji Yamamura pour faire l'affiche festival ? Il y a une transition qui est habile. C'est au moment d'ouverture du festival qui aura lieu au Palace à Beaumont-sur-Oise le 13 février. On programme en fait l'avant-première de Jour d'hiver, un film collectif... de Kawamoto, avec pas mal de réalisateurs japonais, mais autres, hein, Frédéric Bach, mais d'autres réalisateurs. Et il y a un petit film de Koji Yamamura et un petit film de Isao Takahata, qui étaient les deux invités de l'an dernier. Le festival, il a toujours cherché à montrer dans sa programmation qu'on pouvait soit être réalisateur de long métrage, mais en gardant en fait une vision d'auteur, de cinéaste, et en mettant toute l'implication qu'on voulait mettre d'un point de vue artistique, ou qu'on était réalisateur, entre guillemets, sur une forme courte de court-métrage, souvent seul, donc le long-métrage, souvent des équipes de 200-300 personnes, ou peut-être moins hein, parfois, quand il s'agit de Lagioni dans ses premiers longs-métrages. Mais en tout cas, comment conserver une énergie et un projet sur une grande équipe, qu'on avait pu souvent quand des réalisateurs comme Sébastien, Koji Yamamura, ou d'autres qui sont issus de l'ANSA, ont réussi à faire des projets seuls de A à Z, c'est-à-dire de l'écriture, storyboard, animation, montage quasiment, souvent, parfois musique. Et comment est-ce qu'on arrive du coup à être seul parfois face à son œuvre et qu'on arrive. Et la filiation, elle est évidente, quoi. C'est qu'il y a un auteur japonais qui est Koji Yamamura, qui arrive à se renouveler systématiquement dans tous les films qu'il a pu réaliser. C'est le cas de Sébastien. Et donc, c'est de s'intéresser au cœur de la francophonie. Merci. C'est, en fait, c'est ce que j'espère. Quand on pose une question, c'est ça direct. Quand on pose une question, on dit pourvu qu'il réponde ça et qu'il ne répond pas. Ça, on se dit zut, j'ai loupé. En fait, oui, j'espérais. L'ENSAD est invité. On va en parler de suite. La francophonie. Il y a un talent. On va arrêter parce qu'après, il y a un vrai talent de dessinateur et de graphiste chez Sébastien. Et donc, c'est vrai que je pensais que tout ça aussi était donné. C'était une évidence que Sébastien était parfait pour faire l'affiche du festival, en tout cas. Et puis, tu parlais tout à l'heure. Pour la séquence musicale de ton oncle, excuse-moi, de Jean-Luc Zibéras, avec une séance spéciale en 1998 où Journal avait été programmé très tardivement parce qu'il n'était pas. Moi, je l'ai découvert, le film de Sébastien, à cette séance-là. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un vrai coup de cœur, quoi, parce que pourquoi dans une compétition ou pas. Et c'est vrai que ce qui montre qu'une compétition, elle n'a pas forcément la science infuse. Que c'est bien d'aller dans des festivals et nous justement la vocation qu'on a c'est d'essayer de faire une programmation qui est la programmation que je propose avec des gens qui sont invités, Bernard Boulat pour une carte blanche canadienne et québécoise, Sébastien, l'ENSAD, et avec différents focus qui permettent à un spectateur curieux de venir. On est loin d'être exhaustif, hein. On n'a pas, il y a d'autres écoles d'animation en France, il y en a un peu plus d'une vingtaine. Mais à mon sens, on avait déjà rendu hommage dans le passé sur un focus sur Folle Image à La Poudrière, qui est une très très très bonne école. Mais pour moi, l'école qui est à la croisée de tous les chemins entre le cinéma, la dimension artistique, le fait de réaliser des œuvres et qui défend une vraie politique d'auteur, entre guillemets dans le sens, c'est l'ENSAD. Et ça, il n'y a pas photo. Juste avant de parler de l'ENSAD, après tous ces compliments, est-ce que tu peux me décrire l'affiche de cette année? L'affiche de cette année, elle a été faite par un réalisateur qui s'appelle Sébastien Odenbach. Mais je vais lui demander après, je voudrais juste que tu me la décrives, que toi. Alors, tu me la décrives. L'affiche, c'est, en tout cas, c'est pas moi, hein. Ça c'est sûr, à moins d'avoir fait un régime et je la mettre aux gens un qui peu. Sont, vous la verrez. Voilà, vous la verrez sur des sites internet. C'est une jeune femme, qui est assez zen et qui est accroupie sur le sol. On voit des ciseaux, on voit des petits pots de peinture, et elle est en train de regarder à la lumière d'une sorte de projecteur un peu bizarroïde une bande, un film qui passe, et donc il y a une sorte de rayon de halo lumineux autour d'elle, un peu comme une lune ou un rayon, et elle est en train de regarder trois petits bonshommes qui sont découpés en papier, qui représentent un peu le fil à fil, en tout cas l'espèce de cadavre exquis des affiches des années précédentes. Donc il succède également à Koji Yamamura. Mais on est quand même plus sur la création d'affiches. On est quand même plus là dans l'idée de l'animation, alors que Yamamura, on était, puisque c'était des spectateurs, oui, hein, qui regardaient. On est vraiment plus dans l'idée de l'animation. Koji Yamamura, son affiche, c'était aussi l'idée du mouvement, c'est-à-dire du jeu. Plusieurs petits bonshommes qui étaient assez drôles, quoi, dans des situations assez différentes. Et il y avait une idée de mouvement. On voyait par exemple un petit homme qui jonglait avec ses yeux. Donc au lieu d'en avoir deux, il y en avait deux sur sa tête. Mais il y en avait, ça tournait. Il y avait différents clins d'œil qui évoquaient ce sens du mouvement. Sébastien, quand on te propose ça, c'est de suite, oui, t'hésites. Et est-ce qu'on a cette idée, parce que regarde, elle est très belle cette affiche, est-ce qu'on a l'idée de suite? On passe un temps fou avant d'avoir juste la bonne idée. C'est pas comme dans un film où on peut se rattraper. Là, c'est pour avoir la bonne idée pour une affiche qui va devoir créer l'accroche. On se pose pas de questions. Je me souviens plus s'il y a eu plusieurs, plusieurs versions. En tout cas, c'est vrai que quand Yves me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite parce que voilà, ça m'a fait d'une part extrêmement plaisir. Et puis, bon, des affiches illustrées, j'en ai faites régulièrement pour des films, en fait, sortis en salle. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc j'étais assez content. Après, il y avait cette idée de francophonie, il y avait différentes contraintes. Il y avait effectivement la contrainte de réutiliser cette espèce de petit logo avec les trois petits personnages qui est présent sur les affiches précédentes. Il y avait aussi... enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était, comme il y a dans cette programmation, même si la programmation à l'époque n'était pas faite, il y avait quand même l'idée d'avoir beaucoup de films. Bon, il y avait le coup de projecteur sur l'ENSAD. Donc, il y avait les films québécois aussi, ou même des films africains. Enfin, beaucoup de films qui sont faits par des auteurs qui sont quelquefois assez bricolés. Donc voilà, assez vite, je suis parti sur cette idée. C'est ça qu'on sent, on sent vraiment voilà, le partisan de l'animation voilà, dans la exactement, fiche. Exactement, c'était ça que je voulais exprimer. Et dans le programme, puisque résultat, je me suis occupé de la mise en page du programme aussi, il y a un peu cette idée voilà, d'un programme fait à la main. Quoi. Toutes les pages sont différentes, il y a des typos écrites à la main. Voilà, donc c'était un peu ça l'idée. C'est absolument illisible. Non, c'est très bien. Yves, ça doit faire plaisir d'avoir quelqu'un qui s'occupe aussi, parce que bon, quand j'ai même c'était juste l'affiche, c'était d'un seul coup d'avoir vraiment un catalogue fait par un artiste. C'est une évolution du festival, parce que en fait chaque festival c'est un peu expérimental, c'est-à-dire que on dit il y a des choses qu'on a tentées, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, des choses qui ont marché. Par exemple, l'an dernier, on avait fait cette journée en bus là. Et en fait, on était parti sur cette idée de mettre un bus sur l'affiche. Et puis en fait, comme c'était finalement pas dans la programmation, parce qu'il n'y avait pas dans la programmation cette idée de bus et la même cohérence que l'an dernier, avec de voyages sur trois lieux, eh ben, on a laissé tomber ça, c'était un des projets. Et puis même dans la programmation, il n'y avait pas de cohérence de le refaire. Donc voilà. Et par contre, ouais, depuis l'an dernier, ouais, on travaillait avant en fait avec des illustrateurs, des graphistes professionnels qui ont fait un très bon travail sur les premières années du festival pour donner une identité sur les quatre premières années où il fallait avoir quand même quelque chose d'assez uniforme pour que d'une année sur l'autre, le festival ait un bouche à oreille, qu'il soit un peu connu, reconnu, que les gens les fréquentaient. Bah, on reconnaisse quand même de façon linéaire cette identité. Donc ça, c'était un premier temps. Et en fait, moi, je me suis dit que c'était bien d'évoluer vraiment vers le cœur du festival, c'est-à-dire les auteurs et les réalisateurs qui venaient. Et donc, aussi dans une société où c'est vrai que c'est le monde à la fois du court-métrage et de l'animation, c'est un monde qui n'est pas évident en termes de coproduction, qu'on soit français ou japonais, l'idée c'était aussi d'être au cœur à la fois d'un soutien, mais en même temps de se faire plaisir, quoi, et d'avoir une vraie identité du festival qui évolue par rapport à cette dimension d'expérimentation annuelle. En fait. D'accord, alors l'un des grands moments du festival, je suis content que ce soit l'ENSAD, puisque moi, ma première émission, enfin un petit peu de nostalgie, première émission que j'ai présentée moi-même, la première fois qu'Olivier décidait de prendre des vacances à un moment donné, c'était après Auch. Et j'avais que des gens qui avaient fait l'ENSAD ici. Sébastien était déjà là parce qu'il avait eu un prix. Il y avait Jérémy Clapin qui était là. Il y avait Valérie Pierson. Il y avait, j'ai un trou de mémoire, mais il y en avait encore au moins deux autres. Il y avait Arthur Depince, Arthur. Et ça doit être tout. C'était déjà pas mal. Bon, s'il n'y avait pas un cinquième en tout cas. Et donc c'était que des gens de l'ENSAD. C'est une école que j'essaie, dont je parle le plus possible. C'est à mon avis une des écoles les plus intéressantes. François, question vraiment piège. Ça fait combien de temps? Enfin, pas pour cette question-là, l'autre, ça va être après la question piège, si tu te souviens. Ça fait combien de temps que tu travailles à l'ENSAD? Je pense que ça fait 10 ans, mais je ne suis pas très sûr, en fait. Il faudrait demander à Sébastien, parce que comme il est... Sébastien fait partie des élèves qui ont fait que cette section existe, en fait, parce que c'est ça qu'il faut noter, c'est que cette section a ressurgi de la section dans laquelle elle s'était un peu noyée, et elle a ressurgi où elle s'est recréée grâce à une sorte de volonté de plusieurs élèves, dont Sébastien. Donc il aura une meilleure mémoire de Sébastien, la date. Tu je suis arrivé, François est arrivé à peu près à 6 mois ou un an après. Ouais. Oui, bah, en fait, tu es arrivé. Lorsque j'étais en troisième année, tu n'étais pas encore là. Non. Et je suis arrivé. Pendant que je faisais mon grand projet, tu es arrivé. Voilà. En cours de route, donc en 97, donc 10 ans. Voilà. Donc 10 ans. L'ENSAD, c'est au cas où, parce que c'est vrai qu'on parle comme ça, c'est l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Tout à fait, donc créée. Qu'on appelle les arts déco communément. Voilà. Alors, il y a tout un petit texte, hein, l'école de royale de dessin fut fondée en 1766. On est arrivé un peu après, nous. Un peu après. Alors, mais non, parce que créée dans les années 70, la section animation associée à l'utilisation de la vidéo remporta un vif succès auprès des étudiants. C'est le petit texte. Ouais. Ce qui fait qu'en 70, ensuite, c'est oublié pendant... C'est quoi? C'est pas oublié, en fait. Il y a Jean-Pierre Dezeuse qui, en 70, dans la mouvance 68 Arde, a créé une section que j'ai faite d'ailleurs, mais un peu plus tard, qui s'appelait Cinéma d'animation vidéo. Et lui, il était un auteur de cinéma d'animation, mais il a eu l'intelligence d'y associer un nouveau média qui était la vidéo et la vidéo art. Mais petit à petit, pour des raisons, on dirait peut-être personnelles ou même de non-intérêt dans l'école et dans la société du cinéma d'animation d'auteur, hein, je crois, ça s'est noyé dans l'art vidéo et le reste. Donc il y a un moment, et puis il y avait peut-être plus de profs qui étaient intéressés par l'art vidéo et de moins en moins par l'animation. Et il y avait un contre-courant petit à petit dans les années 97, donc 95-97, qui était un contre-courant, donc des étudiants, eux, ayant, comme le reste un peu de la société, un intérêt vif pour l'animation. Donc voilà, ça c'est... Une section s'est reformée à partir des cendres de l'ancienne, en se séparant de la vidéo pour avoir une autonomie, une identité. Il n'y avait pas de conflit, c'était pas ça. C'est simplement qu'il fallait reformer quelque chose d'autonome. Ah ouais. Et à ce moment-là, c'est Georges Chifianos qui est arrivé et qui a, avec les étudiants volontaires, là, il a reformé une section animation. Très vite, Serge Urnier est arrivé, moi aussi tout de suite derrière, et puis petit à petit... Et même Sébastien, un peu plus tard. On va en parler. Voilà. Florence Miaille. Sébastien, voilà. J'ai rencontré Juliette Marchand il n'y a pas longtemps, qui est l'une des premières étudiantes à avoir, me disait, un peu essuyé les plâtres aussi de secteur d'animation. Tu te souviens de cette période, cette refondation, on va dire, ce renouveau de la section animation à l'ENSAD? Ah bah oui, je m'en souviens très bien. Raconte-nous un peu alors. Effectivement, donc Juliette, elle faisait partie de la section qui s'appelait cinéma d'animation vidéo. Enfin, et c'est vrai qu'il y avait, bon, d'une part, très peu de matériel, et surtout très peu d'encadrement, et les gens qui voulaient faire des films d'animation les faisaient un peu dans leur coin, enfin c'est le souvenir que j'en ai en tout cas, et notamment quelqu'un comme Juliette voilà, enfin moi là, je la vois sur son banc de titre et personne l'aidait, enfin si François passait de temps en temps peut-être ou même pas parce que j'étais pas là. Oui, mais même si t'es pas là, t'es toujours là quelque part. Non, Georges l'a aidé sur son film à la fin. Et voilà, non, c'est vrai que même par rapport à l'encadrement et au matériel qui existe à l'heure actuelle et à tout ce que les élèves font, peuvent faire, il y a une énorme différence. Puisque... Et question même, mais tu sentais à l'époque, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se recréait, on va dire, quelque chose, ou non? De toute façon, vous étiez dans vos études, vous faisiez, c'était même pas le problème. Alors, par rapport à ce qu'a dit François, je voudrais quand même rétablir une vérité, c'est que je suis pas du tout initiateur de cette... comment dire, de ce mouvement, en fait. Il se trouve que j'étais délégué des élèves, enfin j'étais même suppléant, je crois. Voilà, et qu'il y a effectivement un groupe d'élèves qui se sont tous retrouvés dans la section, mais si je me souviens bien, il y avait Marie Pacou, était vraiment une des initiatrices de ça, dans mon souvenir, qui avait effectivement fait une espèce de liste comme ça parmi tous les élèves de deuxième année. À l'époque, à la fin de la deuxième année, il fallait qu'on choisisse sa spécialisation, puisque les deux premières années étaient pluridisciplinaires, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc voilà, ils étaient tout un groupe comme ça, ils avaient listé une quinzaine d'élèves qui seraient intéressés à une section animation, si elle existait. Et donc on a été chargé, donc on était deux délégués, il y avait Claire Fouquet et moi-même, et donc on a été chargé, parce que c'était notre mission, d'être les représentants des élèves, de ces élèves-là. Bon, il se trouve qu'on était aussi intéressés par ailleurs. Voilà, auprès de la direction, qui en gros, si je me souviens bien, lorsqu'on est allé voir René Lainé, le directeur des études à l'époque, nous a ouvert la porte en disant on était justement en train d'y réfléchir. Donc voilà, il y a eu une espèce de c'était le moment, à mon avis, à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau des élèves, de recréer cette section, ou plutôt d'en faire une section à part entière. François, un côté plus pratique, ça consiste en quoi, les études à l'ENSAD? Qu'est-ce qu'on veut insuffler? Déjà, c'est en combien d'années? Alors, c'est passé en 5 ans, là. C'est-à-dire que la réforme, c'était en 4 ans, maintenant c'est en 5 ans, ça s'est fait à 3 ans, donc ça veut dire que maintenant, on est dans la première promotion qui va vivre 5 années à l'ENSAD. C'est-à-dire que Juliette est dans la dernière? Elle avait fait 4 ans... Moi, en l'occurrence, j'ai fait que 2 ans parce que je suis arrivée en 3e année, mais... D'accord. C'est 4 ans. T'es la dernière des 4 ans, ouais. D'accord. Donc là, maintenant, c'est 5 ans. Ça consiste en quoi, alors, c'est un peu compliqué parce que je crois que, je vais peut-être dire une bêtise, je crois qu'il y a 16 secteurs. Donc il y a design textile, photo, vidéo, cinéma d'animation, mobilier, enfin bon, voilà. Et avant, il y avait 2 années de tronc commun, comme un peu les années probatoires aux Beaux-Arts. Maintenant, il n'y en a plus qu'une et les élèves se spécialisent ou commencent à se spécialiser dès la deuxième année. Euh, c'est, donc, c'est... juste, est-ce que c'est pas un petit peu dommage? Est-ce que c'était pas justement, enfin, sans vouloir polémiquer bien évidemment, mais est-ce que c'était pas polémiquant un petit peu, c'était pas l'idée force de la SAD justement d'avoir ce tronc commun où finalement tout le monde touchait un petit peu à tout, et puis au bout de deux ans se dire bon ben moi j'ai plutôt allé vers ça, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais de la SAD qui me disaient que ces deux ans en tout cas avaient servi pour se dire bon ben voilà, moi je décide, je sais pas ce que t'en penses Sébastien, mais je décide d'aller plutôt vers dans ce sens-là ou dans l'autre. Des fois c'est un peu dur quand on est un peu jeune de se décider où on veut aller. On peut même polémiquer parce qu'il y a des bruits de couloir qui disent que maintenant on spécialisera dès la première année. D'accord. Donc moi j'étais parmi ceux qui pensaient qu'il fallait garder ces deux années probatoires en donnant le goût, l'appétit ou le dégoût aux élèves de première et deuxième année pour telle ou telle technique. Sûr, ouais. Et qu'ils aient ces deux années de maturation et aussi d'horizons larges et variés sur plein de techniques différentes. Ce qui, je crois, effectivement, était la richesse des élèves de l'ENSAD. Elle va continuer quand même à l'être parce que, bon, si on ne change pas encore les choses, en deuxième année, ils ne font pas que de l'animation. En troisième année, ils ne font pas que de l'animation. Ils font deux fois trois heures dans la semaine d'animation, plus une série d'ateliers dont ils ont le choix, plus des ateliers dont ils n'ont pas le choix. Mais bon, ils continuent à être plus ou moins pluridisciplinaires, mais moins longtemps. Mais voilà. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? La même chose. D'accord. parce que je devais faire rien, je me disais faux. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que toi, t'as vécu ça justement? Ah oui. Ces deux ans. Et qu'est-ce que toi, quand t'arrives à l'ENSAD, est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire de l'animation? Non, t'avais envie? Non, pas du tout. Bah, déjà, je savais pas puisque la section n'existait oui, pas. En plus. Donc voilà, c'est une bonne raison. C'est vrai. Non, moi je suis rentré à l'ENSAD d'une part un petit peu par hasard et puis d'autre part en me disant que ce qui m'intéressait c'était l'illustration, voir la bande dessinée. Puis je connaissais pas du tout l'école en fait en passant le concours. Enfin, j'avais aucune information sur qu'est-ce que c'était réellement que cette école. Donc j'ai beaucoup pataugé la première année. J'étais un assez mauvais élève parce que je comprenais rien à ce qu'on me disait. Et donc j'ai eu besoin de la deuxième. En fait, aux Arts Déco, j'ai toujours eu l'impression de comprendre les choses avec un ou deux ans de retard. Cette deuxième année, un peu où on touchait un peu à tout, pour moi a été très importante pour comprendre la première année. Et est-ce que justement ça permet pas parce que encore une fois tous les gens disent bien c'est d'un seul coup on fait de l'animation parce que c'est l'un des arts qui permet de tout mélanger finalement, et de se décider d'être un peu plus vers le dessin ou un peu plus vers, le bidouillage de choses artistiques. Non, est-ce que ces deux ans permettent pas d'avoir beaucoup de bagages, plus de bagages que d'arriver avec... parce qu'il y a l'histoire du cinéma aussi, il y a pas mal de choses qui sont montrées à l'ENSAD. Plus de bagages, je sais pas, puisque je n'ai aucun élément de comparaison. François. Non, mais moi j'ai botté en touche si Juliette le veut bien. Moi j'ai pas eu à choisir la section parce que quand j'étais, il y a très longtemps, j'étais étudiant et j'ai choisi la section cinéma d'animation vidéo. Mais j'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai fait que du cinéma et de la photo, donc ni vidéo ni cinéma d'animation. Mais Juliette, par exemple, qui a changé d'orientation, elle sait peut-être pourquoi elle l'a fait, encore plus qu'un élève des Arts Déco. Juliette, toi t'arrives en troisième année, je t'ai pas posé la question. En fait, t'étais quand même aux Arts Déco? Non, j'étais pas aux Arts Déco avant, en fait. J'étais dans une autre école d'art appliqué qui s'appelle Olivier de Serres et j'ai fait du graphisme pendant 4 ans. Et même pendant 5 ans. Et en fait, quand j'ai fait du graphisme, j'ai commencé un peu à faire des animations sur mon ordinateur comme ça, mais sans comprendre vraiment la technique. Et du coup, j'ai eu envie d'apprendre un peu mieux à en faire. Et j'ai essayé d'aller aux Arts Déco et puis j'ai été prise. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de techniques que ce que j'imaginais. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas mal d'essayer différentes choses avant. Ce qui veut dire quand même qu'aux Arts Déco, même sans ces deux ans que tu n'as pas fait, c'est pour ça... C'est vrai que je n'avais pas posé la question. On a quand même cette diversité de techniques où en tout cas, on ne se dit pas qu'il faut être comme des écoles. Alors là, qui sont spécialisées, donc c'est pas, mais en 3D, enfin en animation par ordinateur ou en dessin ou ce genre de choses. En fait, non. Effectivement, j'ai aussi découvert le son, un petit peu de vidéo. Enfin, parce que voilà, même en troisième année, il y a plein d'options possibles, la sérigraphie, enfin plein de choses différentes qui peuvent enrichir justement ce qu'on peut faire en animation ou les idées qu'on peut avoir, quoi. François, toi qui as été aussi au Gobelin, t'es un prof des Gobelins, c'est quoi le, si tu devais dire, la spécificité de l'ENSAD justement? Qu'est-ce que vous, avec des profs qui sont assez charismatiques en tout cas, qui sont connus dans le monde de l'animation, comme Georges, Sébastien, Florence, enfin des gens comme ça, qu'est-ce que vous essayez d'insuffler aux étudiants? En comparaison au Gobelin ou C'était juste parce que tu connais aussi les Gobelins, encore une fois, l'idée n'est pas de... Non, pourquoi pas en comparaison les deux Gobelins? Mais... sont très complémentaires, moi je pense que ce serait extraordinaire que les élèves fassent les deux, si toutefois ils ont... l'appétit, la force de... Oui, c'est arrivé. Il y a quels étudiants? Il y en avait Nati, par exemple, qui s'est fait les Arts Déco et après les Gobelins. Un autre qui a essayé, Merwan Chaban, il a démissionné assez vite des Gobelins. C'est dans ce sens-là, donc c'est plutôt des gens qui font d'abord l'ENSAD et ensuite les Gobelins pour avoir quoi, peut-être une complémentarité par rapport à ce qu'ils ont eu à l'ENSAD. Ils se rendent compte qu'ils ont, ou ceux-là en tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils voulaient plus de technique que ce qu'ils avaient pu acquérir aux Arts Déco. C'est ça, c'est l'un des, le seul, enfin vraiment les principales choses négatives que j'entends de temps à autre à l'ENSAD par les étudiants, je sais pas toi Sébastien, c'est plutôt le côté purement technique, on va dire, après pour rentrer en série ou enfin pour avoir un boulot plus facilement, c'est la seule chose que j'entends vraiment. Sébastien, qu'est-ce que... Oh bon, moi, je suis nul en technique d'animation. Hein. Non, mais c'est-à-dire, moi, en plus, c'est vrai que comme je faisais partie de la première promotion, on a aussi un petit peu essuyé les plâtres. Mmh. Je pense qu'on avait... on était une promotion, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, extrêmement motivée. Donc, il y a eu... Je pense aussi qu'il y avait un esprit de groupe, enfin, quelque chose qui s'est passé, qui a fait qu'on est arrivé à des films dont certains étaient quand même plutôt d'un niveau assez bon. Ils étaient très bons. Ah, ils étaient excellents. Mais voilà. Mais l'apprentissage technique que j'ai reçu était très sommaire, puisqu'on avait, j'avais 3 heures ou 4 heures par semaine à cette époque-là, et puis pendant un an, et puis après, la deuxième année, c'était le grand projet. Donc, Alors justement, ce qui est étonnant à l'ENSA, je ne sais pas pour tout le monde, mais ce qui m'épate à chaque fois, c'est bon ou mauvais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent les personnalités des étudiants derrière. C'est-à-dire qu'on a ça. Moi qui aime bien plein d'écoles, qui regardent, c'est vrai qu'on a ça un petit peu à la poudrière. Yves, je te regarde. Bah, tiens, tu vas répondre. On a un peu ça par rapport à la poudrière. Ah, tu ne peux pas te mettre en avant, c'est ça, si. Par rapport au festival. Non, mais on a d'autres. Et là, d'un seul coup, on a dans l'ENSA, on a quand même des vrais chefs-d'œuvre qui arrivent dès le premier film. Je veux dire, un film comme... Bon, on ne va pas parler de par exemple, des deux qui sont là, mais un film comme Un jour... de Marine Bacou reste aujourd'hui comme un film qui est extraordinaire au niveau de la finition, un film qui est plus récent, Biotope, Pistache, enfin il y a des films qui sont très impressionnants, et même cette année où moi il y a moins de choses que j'ai aimé, on va dire, que les autres années, on sent à chaque fois de toute façon quand même la personnalité de l'étudiant. On a l'impression qu'il n'y a pas trop le prof qui vient en disant là il faudrait plutôt faire comme ça, ou essayer de donner une technique propre à l'école. Qu'est-ce que tu en penses après avoir vu beaucoup de films? Oui, moi c'est ça qui me plaît, parce qu'en fait Il y a deux façons. En fait, moi, en allant à Annecy, ça a peut-être un tout petit peu changé. Hein, mais les Gobelins, c'est eux qui faisaient en effet les génériques d'Annecy. Et en fait, on avait l'impression que quelqu'un qui avait un peu une influence sur le reste du groupe influençait artistiquement, et tous les génériques se ressemblaient un peu. C'est moins le cas maintenant, donc ça c'est bien. Mais moi, dès que j'ai vu du coup Journal, j'ai repéré que c'était un film, une école, une salle, et ainsi de suite, quoi. Et on voit que même si c'est des films d'étudiants, qu'il y a une équipe pédagogique derrière qui aide, on sent que c'est absolument pas pour faire rentrer les gens dans un moule, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure dans la dimension d'auteur, et ni dans une technique, et c'est ça qui est riche et qui est prometteur et qui est absolument formidable dans le cinéma d'animation. C'est que à la fois il y a, on le sait tous, quoi, il y a soit des dimensions numériques, soit des scénarios débridés, soit des techniques que les gens vont maîtriser et qui vont... S'ils choisissent cette technique-là, c'est pas de façon imposée, c'est qu'elle leur plaît. Et voilà. Et même à une époque, 97-98, où on voyait justement les premiers films qui arrivaient des écoles en numérique, 3D, etc., et qu'on voyait qu'il y avait le côté très bon élève... Je cite pas d'école, peu importe, quoi. Si, sur Infocom. Oui, par exemple. Non, mais qui ont bien évolué, quoi, donc tant mieux. Mais il fallait maîtriser la machine, l'ordinateur, pour arriver avec un scénario nul, une histoire nulle, à faire quelque chose de sublime, en mettant un clown funambule, par exemple. Et c'était, mais. Et voilà. Et tout est là, en fait. C'est. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a entre les mains, des techniques, etc. Comment est-ce qu'on maîtrise des choses et qu'on trouve un juste milieu? Et c'est ça, c'est ça qui m'intéresse dans l'ENSAD. D'un autre point de vue, dans la poudrière, il y a des élèves qui arrivent, ils ont minimum 23 ans, pour qu'ils aient un vécu, pour qu'ils aient des expériences précédentes. Et surtout aussi, on parle de cinéma. Parce que ça pourrait être pas un film d'animation, ça serait la même problématique, hein, avec la Fémis, et c'est ça qui est vraiment passionnant. Par exemple. C'est vrai, t'avais des bons films à Fémis. Juliette, non, mais il y a des bons réalisateurs. T'es sortie maintenant, donc tu peux dire tout ce que tu veux. Comment ça, on travaille avec les professeurs donc ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'ils sont super présents ? Est-ce que non, au contraire ? Comment ? Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient assez présents parce que, aussi, la dernière année, on voyait que eux à l'école. Donc, ça reposait pas mal sur eux, enfin, le lien avec l'école. J'ai trouvé qu'ils nous poussaient beaucoup à faire des choses très personnelles et à nous poser à nous-mêmes plein de questions. Et parfois beaucoup de questions, et on s'est tous demandé à un moment si on allait en sortir quelque chose de tout ça, parce que justement à chercher au tréfonds de soi, ben, on sort des choses qui n'ont pas forcément de forme, et c'est à nous au fur et à mesure de les mettre bout à bout, et puis justement de trouver une manière d'exprimer ce qu'on a envie de dire. Et j'ai trouvé que c'est bien parce qu'ils nous ont suivis, enfin, jusqu'à, même si on descend ou qu'on se pose plein de questions tout le temps, ils étaient là à nous dire mais vas-y, continue, c'est bien, tu vas en tirer quelque chose, et toujours derrière nous, pas à nous imposer d'arriver à tel moment, d'avancer avec un planning très. Oui, il n'y a pas quelque chose de. Ouais, est-ce qu'il peut y avoir des clashs avec les élèves ou non vous, Oui, bien sûr. Non, parce que justement, oui. Alors les en fait, Juliette être eux-mêmes. Très gentille, parce qu'elle dit qu'on était tout le temps avec elle. En fait, il y a quelqu'un qui est là tout le temps, c'est Jean-Christophe Levet qui est le technicien. Oui. Mais nous, on n'est là qu'une heure par semaine pour un élève en grand projet. Donc, ce n'est pas tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont vachement livrés à eux-mêmes. Alors, on a une sorte de rendez-vous comme les docteurs, une fois par semaine, ou certains docteurs. et puis voilà, mais c'est le reste du temps. Moi, je les plains parce qu'une semaine, une semaine seule avec son projet, je pense que c'est très dur. Alors, les années où il y a beaucoup de bons films, c'est les années où ils parlent beaucoup entre eux, mais il y a une émulation entre eux, parce que nous, on ne suffit pas. C'est-à-dire que le psy ne suffit pas uniquement, c'est ça, il faut aussi que... Donc on n'est pas psy, on en a mis la compétence. Qu'on dise le côté hebdomadaire du rendez-vous, ça peut ressembler à ça, mais on ne joue surtout pas à ça. Ouais. Parce qu'on va chercher au tréfonds, soi-disant, mais non, on interroge plutôt les éléments plastiques, les éléments de texte ou autres, et on n'est pas là dans la psy. Il n'empêche... Enfin, moi, je veux pas. Oui, mais Juliette. Parfois, ça ressemble un petit peu à ça par moment. Enfin, pour moi, ça l'a été. Oui, parce que c'est ça qui est étonnant, c'est là où on va le voir tout à l'heure, parce qu'on va parler de Sébastien tout à l'heure et de journal, mais c'est vrai que c'est des choses très personnelles. On n'a pas ça, on parlait de Super Focom tout à l'heure, on parlait des Gobelins, bon, qui ne font pas forcément de films de fin d'école, enfin de films de fin d'études, mais on n'a pas de choses très personnelles. Là, on sent des gens qui d'un seul coup vont... moi, je me rappelle, il y a 2 ans, en effet, de voir Pistache, c'est surprenant, des gens qui d'un seul coup se mettent vraiment, et quand on rencontre des réalisateurs, souvent, bah oui, ils sont proches quelque part de leur film, ce qui est rarement le cas. Je veux pas dire, il y a des très bonnes écoles un peu partout, hein, mais c'est vrai que l'ENSAD, pour ça, je sais pas, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que Gaël Denis était parti avec le Royal Edge College of Art, enfin avec quelques écoles comme ça dans le monde, où on a l'impression que dès le début, l'élève est prime presque sur la technique, on va dire, même si heureusement la technique est très importante. Sébastien ? Je sais pas, je te voyais. Oui, je sais quand on fait des gestes, je me dis tiens. Non, mais oui. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, je n'ai pas de commentaires à faire particulièrement. Je vais regarder Nicolas. Est-ce qu'on peut. On fait tout en direct. Est-ce qu'on peut avoir le son et nous on peut continuer à parler ? Est-ce que c'est possible ? C'est possible, c'est la première fois que je le fais. On va écouter des morceaux, parce qu'il y a plein de gens qui sont sortis de l'ENSAD maintenant. Donc on va écouter, alors il y a des choses qui sont dans le programme, d'autres qui ne le sont pas. C'est une décision de ma part, on verra avec qui ensuite pourquoi ils ont été pris, ce qui a été pris dans cette sélection. On va écouter des morceaux, on va écouter de suite le premier, on écoute. Comme un quiz, si quelqu'un ici dans ce sait ce que c'est, il peut le dire. C'est la Vicento, tout à fait. Donc, j'ai vu ta liste. T'as vu ma liste? Ça, c'est pas du jeu, surtout que tu, hein. Le Vicento de Sarah Vandenboom. Voilà, qui n'était pas Sarah Vandenboom, je crois, elle est au début. Sarah, elle était dans ta. Elle était dans ta section, c'est ça? Vous avez commencé en même temps ou plus? Non, avant, c'était après. La section après. Juste après? Oui, il me semble. Ou 2 ans après, peut-être. Ouais, 2 après. Donc, toi, il y avait Marie Pacou qui était là, notamment Sébastien. Ouais, il y avait Pacou, Claire Fouquet. Geoffroy Barbet-Massin, qui a fait plusieurs films depuis. Un garçon qui s'appelle Bertrand Charlot. Pour ceux qui ont continué à faire le film, Yann Braskowski. Voilà. Donc, une on va voir. On va couper la musique. On va. Merci. On va. On a donc deux. de ces gens qui étaient là à l'époque, on va avoir quoi? On va avoir donc les films de Sébastien, Journal, Yves, je m'entends vers toi, je regarde un petit peu. Il y a vos... Alors, pourquoi la volonté finalement de mettre des films de l'après ENSA? Par exemple, Claire Fouquet, c'est vos papiers. On a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Le Jardin de Marie Pacou, on n'a pas un jour. Alors, j'ai pas le programme définitif, mais finalement, c'est les films d'après. Pourquoi? Bah, c'est un peu une continuité. C'est-à-dire que la réflexion par rapport au festival, on parlera d'autres programmes, c'est qu'il y a, entre guillemets, différents organismes ou institutions, studios de production ou autres. Et donc, c'est cette dimension un peu institutionnelle. Et qu'est-ce qu'il en sort, entre guillemets? C'est des gens. Des hommes, des femmes, il y a cette dimension existentielle que tu rajoutais sur l'ENSA de, parfois et que je trouve en effet où il y a la sueur et du pas du sang quand même mais voilà et c'est quand on se blesse des fois en faisant et l'idée aussi ben là, de faire parce qu'on aura dans le samedi 17 mars le dernier jour du festival il y aura une rencontre des projections rencontres avec des anciens étudiants de l'ENSA, des formateurs, Sébastien évidemment en focus principal, mais il y aura Florence Miaille qui sera là, il y aura d'autres. Et en fait, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que on fait une école d'animation, donc qui est l'ENSA, et qu'est-ce qu'on fait après. C'est dire qu'après un film d'étudiant, voilà. Bah, y a une vie. Excuse-moi, j'ai un peu mal. Il y a une vie après parce que c'est intéressant. C'est vrai que c'est souvent le problème. On se dit, est-ce qu'on réalise un deuxième film? Voilà. Le milieu de l'animation, ce que je disais tout à l'heure, il est quand même très fragile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réalise un deuxième film? Est-ce qu'on n'est pas happé, on parlait des Gobelins tout à l'heure, par justement la commande, par le fait d'avoir un métier? Et comment est-ce qu'on arrive à garder un parcours d'auteur pour Sébastien, réaliser un deuxième film, il en parlera tout à l'heure, des câlins dans les cuisines, et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette dimension qui, dans le monde anglo-saxon, est beaucoup plus un peu une dimension réaliste, pas l'artiste, il y avait Michael Dudok-Devitt qui était venu il y a quelques années, et ça avait marqué, lui, il passait, en présentant ses films, du film de commande au film de publicité, à ses œuvres personnelles, en faisant quand même des distinguos, en disant qu'il n'avait aucune marge de manœuvre dans le film de commande, mais il ne reniait pas ses films de commande pour autant, parce qu'il disait, moi, c'est ce qui me permet de vivre. Et après, il faut trouver l'énergie pour réaliser ses propres films. Et je crois qu'en France, c'est quelque chose qui évolue maintenant, parce qu'on est dans une situation qui n'est pas évidente. Et donc, c'est vrai qu'il y a un principe de réalité, mais ça ne l'a pas toujours été. Et à mon avis... voilà. Et par rapport à ce principe de réalité, pour répondre un peu en avance sur la sélection des films, les films qui sont présentés, c'est quasiment que des films qui sont en 35 mm. Alors dans quelques années, on sera tous au numérique, dans 5-10 ans. Quoi. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, le travail mené par l'agence du court-métrage, le RADI, qui permet de découvrir un court-métrage avant un long-métrage dans les salles de cinéma, moi, en tant que j'ai commencé dans les salles, j'ai découvert comme ça les films, pas celui de Sébastien, mais les films de Florence Miaille. Évidemment, si l'un d'entre vous veut réagir sur quelque chose, Bernard, t'as pas encore parlé, mais si vous voulez réagir à un moment donné, vous n'hésitez pas. Je veux bien, parce que je vois François Yves. Qui... Non, mais donc, Yves, je crois que c'était Annecy qui m'a dit qu'il voulait justement faire quelque chose autour de l'ANSA dans son festival, donc je le remercie déjà, et plutôt pour ce qui s'était passé après. Et moi, je trouve que c'est une excellente idée, parce que j'ai beaucoup de tendresse pour les films des étudiants, évidemment. Mais une école, c'est fait pour qu'il y ait une suite. Alors la suite, ça peut être réaliser des films ou faire d'autres choses, ou les deux, comme fait Sébastien, comme font d'autres étudiants, ils ont plusieurs pratiques. Mais montrer ce qui s'est fait après, ça, c'est intéressant pour l'école. Voilà. Et moi, j'ai jamais eu cette occasion, par exemple, de voir une sorte de panorama de l'après-école dans le secteur animation. Je les ai vus comme ça de manière morcelée, mais je trouve que c'est une très très bonne idée. Il va peut-être nous montrer la qualité réelle de ce que serait un panel d'étudiants après. Et ça, c'est bien. Alors, justement, extrait d'après, alors un cas cartonné. Je pense que j'ai même pas demandé à aucun d'entre vous s'il a reconnu, on écoute. C'est pas tout ça, mais faut que j'y aille. Tu pars par où? Par là. Et toi? Ah, moi, je vais par là. Bon, à la revoyure. Ciao. Ciao. Crabe. Et merde. Oui, parmi les stars de... tragique destin est bien pire que tout cela. Voilà, belle si la nature nous a permis de nous déplacer. Donc sur c'est le côté, comme le cousin des Arthur. Arthur de Pince. Arthur de Pince pour la leçon des crabes, ça c'est incroyable comme... parce que c'est, je trouve qu'il fait un petit peu, mais c'est ce qui est intéressant dans Lensen, un peu atypique à la base quand on regarde, seul qui a plutôt fait un film, Géraldine, qui était plutôt comique, plutôt drôle, même s'il me disait la dernière fois, lors d'un entretien, il disait qu'au départ, quand il l'a fait, il ne savait même pas vraiment la fin du film, et sans parlant avec justement les profs, etc., qu'on lui a donné la fin, il ne savait pas trop où il allait. Là, il fait un film de la révolution des crabes, il se lance lui aussi, là des nombreux, on va en parler dans le long métrage. Quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça sur Lensat, François? Toi, tu te rappelles d'Arthur ouais, Passant? Oui, je me souviens très bien, et c'est quelqu'un de drôle et de sympathique. Donc, il est arrivé le jour de la rentrée, on va dire, et le rendez-vous qu'on avait, le premier rendez-vous qu'on avait avec lui, il est arrivé avec une feuille de canson pliée en quatre dans lequel il y avait tout le film, voilà, en crobar. Alors, il n'avait peut-être pas la fin, mais il avait tout l'esprit du film était dedans. Le sujet et l'esprit. Il y avait par exemple un croquis extraordinaire qui était de ce mec se regardant pour la première fois dans la glace et constatant qu'il était devenu femme et qu'il avait un beau cul. Voilà. Et ça, tout était dit dans un seul dessin. Voilà. Donc effectivement, on l'a un peu orienté, mais c'est le genre d'élève qui a peu besoin des profs. Hein, parce qu'il est dans il une, sait ce qu'il veut, mais voilà. C'est ça, il y a des... Et l'esprit était là. Alors, après, nous, on a un peu guidé techniquement, où on lui a dit que de temps en temps, il faudrait peut-être aller plus profondément dans la problématique du changement de sexe et tout ça. Et puis il a fait Géraldine, qui a un bon film. Et je pense qu'il n'avait pas besoin de nous. Pris à Annecy, enfin bon, ça va. On écoute. Merci Nicolas, on fait tout ça. On écoute l'extrait d'après. Quand le bébé il sort, la maman elle va à l'hôpital. À la maternité. Après, il y a des gens, ils écoutent un petit peu le ventre, et puis après ils prennent le bébé dans le ventre de la maman. Moi je m'en souviens quand j'étais née. Et quand j'étais née, je pleurais, mais après, c'est normal parce que quand on sort du ventre. On pleure parce que je m'en souviens plus. Voilà, ça parle à tous les papas du studio, pour ceux qui sont papas. Ça rappelle des choses. Ça, c'est donc Juliette Loubière, la leçon des choses qu'elle a fait avec des enfants, un très joli petit court-métrage qui sera présenté. Oui. Hein, pendant image par image. Il sera présenté, en fait, il y aura la... C'est-à-dire qu'il y a la projection en compte là, le samedi 17 mars à 16h45 là, au théâtre Paul-et-Loire à Beson. Venez nombreux. Non. Et si, en si, fait, pourquoi sur, si, bien sûr. Mais en fait, sur toute la période précédente, du début du festival qui est très long, dès le 13 février, en fait, dans les films qui sont cités là, notamment 35, en fait, il y a 15 salles du Val d'Oise qui vont passer en fait, des courts-métrages avant des longs-métrages. Pendant toute cette période, donc ça fait plus de 200 séances, et grosso modo il y a une dizaine de films qui sont à dont la fois de l'ENSA, dans la leçon des choses. Voilà, exactement. Quel film intéressant, parce que finalement Juliette fait plein d'ateliers maintenant avec des enfants, enfin, etc. Donc c'est pareil pour la découverte de soi, et finalement se dire j'aimerais continuer, c'est assez étonnant. On écoute l'extrait d'après. Plus difficile. Il se dit oui, peut-être. Eh oui, c'est un garçon qui a bifurqué. Voilà. C'est ça, vas-y François. C'est Jérémy Clapin. Ah ben oui. Avec une histoire vertébrale. Alors quelqu'un qui est assez étonnant, parce qu'en fait il a fait... peu d'animation, était en même temps que toi Sébastien? Non, il était l'année d'après et il a fait la troisième année animation, et par contre il a fait son projet de fin d'études en illustration. Voilà, il n'a pas du tout fait son il n'a pas fait de film de fin d'études, ce qui fait qu'on arrive avec une histoire vertébrale à part ses camarades de l'ENSAD qu'il connaissait. La plupart des gens ne le connaissaient pas du tout, mais quand j'ai vu d'où ça vient ce film, très joli film. Pareil, c'est étonnant, c'est donc tous ces croisements comme ça, c'est possible à l'ENSAD de se dire tiens, je vais reprendre en illustration, je vais en plein milieu, en troisième, quatrième année. On a le droit, oui. Ouais. Et ça pose quelquefois des problèmes, mais ça, c'est une autorisation que donne en général le directeur pédagogique de bifurquer. Parce que, et c'est bien normal, parce que quelquefois, justement, comme on l'avait dit tout à l'heure, on a du mal à s'orienter, donc on a le droit de se réorienter. On a le droit à l'erreur. On a aussi le droit de redoubler de temps en temps. C'est pas évident, normalement, dans tout ce qui est l'école, on n'a jamais le droit à l'erreur. en France, donc c'est bien qu'au moins il y ait des écoles qui le permettent. On écoute juste l'extrait d'après. Cet enfant, il est un peu particulier pour moi, quoi. Facile. Voilà, il est intelligent, forcément, l'exemple de son grand-père. Bon. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et puis, il travaille bien à l'école. Ses carnets, tu verras, c'est toujours très bien, très bien, très bien, très bien. Son, son voisin, c'est ça, qui est acteur, elle en fait... Elle en fait, est-ce que c'est pas la rotoscopie, non? Elle a vraiment trop dessiné ou pas? Je me posais la question en voyant. Il y a un peu de rotoscopie. Doucement, là, il a donc ça, ça va être... Grand talent de dessinatrice. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à faire des... Elle a fait avec Jeanne Paturle, qui était de la même année. Toutes les deux, elles ont fait un film que j'ai trouvé extraordinaire, voilà, après. Qui s'appelle Je suis une voix. Je suis une voix, que nous avons vu ensemble en avant-première. Et c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, voilà. Qui est en compétition à Clermont-Ferrand, là, cette semaine. D'accord. Et voilà, et qui est un film documentaire. Enfin, avec une, c'est vrai que bon, Cécile et Jeanne, déjà, quand elles étaient aux Arts Déco, donc Paul, là, dont on vient d'entendre un extrait, mais le film de Jeanne aussi, qui s'appelait Les yeux fermés, elles ont toutes les deux une optique un peu documentaire par rapport à l'animation. Et Je suis une voix, oui, c'est un film sur l'engagement politique, en fait. C'est intéressant ce qui est documentaire, parce qu'on va en parler pour Ciné Junior juste après, où ils font toute une sélection documentaire animé qui est un petit peu, on va dire, évidemment avec le film Ryan qui a été mis au devant de la scène, on va dire. On se rend compte qu'il y en avait des tonnes qui avaient été faites bien avant, évidemment, Ryan, mais c'est devenu un genre à part entière, on va dire, dans l'animation. On écoute, c'est plus là on tombe dans le plus difficile, on écoute, enfin non, là c'est facile, pardon, on écoute le prochain. Ça y est. Il grouille dans les légumes secs. Il y a plus rien à faire là, il y en a trop. Et ça continue à arriver. Julia qui se demande. Tu as un peu de titre. Je l'ai sélectionné à haut, c'est pour ça que je l'ai mis. C'était l'année dernière, j'ai fait une petite inversion au niveau du. Ah là là. Tout à fait, c'est du bocal où on voit en effet qui est sélectionné cette année, qui n'est pas montré image par image, mais c'est pas grave, c'est une de mes préférées, donc je mets le son, je fais ce que je veux. Et donc voilà, c'était juste pour faire un petit peu, c'était pour l'année dernière. On va passer de suite, mais elle sera en compétition à Auch cette année avec Walking, qui était aussi un très bon film de l'année dernière, et Sinistra d'Extra. On écoute, alors la petite inversion, c'est moi qui l'ai faite, on écoute évidemment beaucoup plus connu le titre qui est juste après, enfin l'extrait qui est après. Un dosage égale un étosage infini. Une infinité de solutions. Mode opératoire. Je cherche à comprendre. Tentative d'intervention. Combinaison. Je cherche. Un petit peu sans effet pistache. De combinaison. Essayer. Analyser. Possibilité d'influencer la réaction. Paramètre. Maîtriser. Plein de petites choses à régler. Résultat. Coup à coup. Mécanisme. Solution. Chimie. Recréer l'équilibre. Alchimie. Finesse. Mode opératoire. Un dosage égale un état. Classé. Analyser. Maîtriser. Alors c'était Pistache de Valérie Pierson. Je me rappelle de ma première rencontre avec Valérie. J'avais été voir les films, j'avais vu Sébastien, j'avais dit j'aime vraiment Pistache, j'aime vraiment beaucoup ce film. Et il m'a dit ah oui c'est Valérie Pierson, je vais te la présenter. Tu me l'avais présenté. Est-ce que quand on va en parler, parce qu'il va y avoir quelque chose d'un peu particulier par rapport à Valérie et à la science des rêves, on va en parler. Quand on a quelqu'un aujourd'hui, on peut le dire, enfin, qui a vraiment du talent, on s'en rend compte de suite, ou on se dit, tiens, elle est vraiment, en tout cas, elle a quelque chose à donner de plus que peut-être un autre étudiant. Est-ce que ça... Bah, y a déjà, chez Valérie, il y a une énergie. Ce qui se voit immédiatement, une énergie douce, en plus, c'est pas quelqu'un qui casse tout. Oui, oui, ça se voit, oui. Dès la troisième année, elle avait un graphisme très à elle et qui donnait déjà de jolis fruits. Voilà. D'accord. Et dans le mode de réflexion pour arriver à Pistache... elle a gribouillé des pages et des pages de textes, d'analyses, d'interviews, d'analyses et ainsi de suite. Et c'est incroyable le travail qu'elle a fourni pour arriver à Pistache. Voilà. Et ça, c'est aussi le talent, c'est aussi la qualité de travail, de préparation. Ouais, ce qui est aussi le cas de Juliette, hein, je dois dire, parce que Juliette, elle a fait un très joli film et elle a acheté énormément. Et elle a plein d'essais dans un tiroir dont elle pourra se servir. Et ça, je pense que c'est la base du talent. C'est une sorte de foisonnement qu'on réussit à organiser. Alors, que ce soit Juliette ou Valérie, c'est ça, c'est que ça foisonne et elles ont su organiser, donc elles ont des réserves pour les prochains. Et justement, le prochain pour Valérie, ça a été donc assez étonnant parce qu'elle partit rapidement, j'espère, quasiment vous l'annoncer, enfin, sauf si on parle là, que la prochaine émission sera enfin cette émission que je voulais faire. J'espère pouvoir la faire même avant le parce que c'est quand la rencontre ? 17 mars, donc j'espère. Avant, on peut ça, 15h15. D'accord, donc j'espère faire peut-être changer les dates de la prochaine émission pour pouvoir vous proposer ça avec Éric Monchaud, Cédric Mercier et Valérie, donc Pearson, qui sont les trois animateurs de La Science des Rêves, le film de Michel Gondry. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir ? Et elle a fait depuis aussi le clip d'Olivia Ruiz, La Femme Chocolat. Qu'est-ce que Yves, donc c'est quoi cette rencontre ? Ben, l'idée, c'est un peu dans la même idée par rapport à l'ENSA. Donc, en fait, moi, j'ai vu la Science des Rêves, je l'ai découvert en salle, quoi. Et donc, j'ai vu toutes les séquences d'animation. Faut que je te coupe. Excuse-moi, parce que j'ai pas. On va écouter complètement. On va écouter le dernier extrait de l'ENSA sans parler. D'accord. Merci. Pour le déjeuner, tu aimes ça ? Viens voir, ça te fera du bien. Tu manges du poisson quand tu es à Paris ? Et tu fais du sport ? Non, merci. Tu sais, Justine ? Oui. Elle a eu un deuxième enfant. Oui, oui. Elle pleure tellement la nuit que son mari est parti pendant une semaine. Le pauvre. Il n'arrivait plus à dormir. Oui. Tu m'écoutes ? Oui. Ah, les hirondelles sont arrivées, tu as vu ? Oui, tu prendras du vrai thé ? Tu es sûre que tu as envie ? Oui. Il t'a quitté, mais c'est horrible. Va t'aérer la tête. Qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce que tu deviens ? Tu sais, il faut penser à rincer la baignoire. Oui. Alors, comment ça va en ce moment ? Alors, en ce moment, comment Alors, ça va ? Alors, comment ça va en ce moment ? Alors, comment ça va ? Sois un peu plus souriant. Tu vas voir, ça te fera Tu as une mauvaise voix, je t'habille vraiment trop serrée. Mais qu'est-ce qui ne va Et pas ? Et tes projets, ça avance ? Raconte-moi un peu. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça te plaît, oui ? Tu as l'air fatiguée. Tu n'aurais pas un peu grossi, pas toi ? Tu ne laisse pas sortir le chien. Tu sors, tu mets ton pull. Tu voudrais que tu saches un peu mieux ce que tu veux. Ça suffit. Mais ici, c'est mon souvenir. J'ai pas envie de vous entendre. On va arrêter. Je suis désolé, je parlais un petit peu, arrêter l'extrait. Je vais pas dire à Juliette si elle a reconnu, puisque c'est son film. Alors, bon, je vais être honnête. Si j'étais là, elle doit partir. Je vais la laisser partir dans 2 minutes parce qu'il faut qu'elle fasse un. Je vous en ai souvent parlé. Vous aussi, cherchez un appartement. Il faut qu'elle cherche un appartement. J'en ai tellement parlé à ce micro que je peux le dire officiellement. Et donc, je peux comprendre qu'on ait besoin de partir pour faire des recherches. Mais je voulais parler donc du film de Juliette Rapinemont. C'est celui qui m'a le plus marqué dans la sélection de cette année. Tu as choisi de faire un film en pixilation. Est-ce que la technique est venue de manière évidente ? Ben non, pas du tout. En fait, j'ai fait plein d'essais. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, vraiment. J'ai essayé de dessiner, du papier découpé, toutes sortes de choses. Et puis, en fait, donc dans mon film, il y a des galets. Et au départ, j'avais mis des têtes comme ça, collées sur des galets. Et pour les animer, je me suis rendu compte que la pixilation, ça s'y prêtait bien. Et de fil en aiguille, en faisant plein d'essais, ça s'est construit comme ça. Et tout ce qui était autre que la pixilation est parti progressivement de mes essais, en fait. C'est étonnant, il y a une vraie construction, je trouve, dans le film. Je ne sais pas comment, François, on va essayer de se dépêcher, mais comment il y a des films qu'on a vus, notamment, qu'on voit, qui n'ont pas de construction. Là, il y a une construction, le film se construit, tu prends ton temps pour construire, il y a une première partie, et puis il n'y a pas forcément beaucoup de paroles, enfin on avance petit à petit, puis d'un seul coup, il y a ces paroles qui reviennent dans ce souvenir donc, que tu peux avoir, tu les chasses à un moment donné. La construction est venue de manière évidente aussi, ou ça se fait au fur et à mesure ? En fait, j'avais l'idée que c'était quelqu'un qui revenait dans un lieu assez vide, comme ça, il y avait plein de souvenirs qui revenaient à elle, et qu'au départ, elle se souvient de choses qu'elle pense être agréables, qui sont plus des images, et qu'au fur et à mesure, il y a d'autres souvenirs qui viennent s'incruster dans son impression, et qui sont des souvenirs par des voix qui viennent, et qui sont dérangeants. Et donc, j'avais envie que ce soit progressif, et que ça devienne de plus en plus désagréable. Donc, j'avais cette idée-là, et puis après, j'ai fait tout pour que ça se sente, quoi, en fait. J'ai pensé avec le travail des matières. Dans une deuxième partie, à ce moment-là, il y a notamment une plante, il y a les galets à l'intérieur d'une jarre, enfin avec de l'eau, etc. Pensez un petit peu, moi ça m'a fait penser un peu à Jean Meyer au niveau du travail sur les matières, sans vouloir parler forcément de grands noms, mais il y a quelque chose comme ça, et il y a un travail énorme sur le son. Je m'en suis rendu compte, je travaille énormément sur les deux les deux bandes, enfin, le niveau son, c'est assez étonnant. C'est travailler avec qui? C'était une volonté déjà dès le départ ou, Ben en fait, comme à l'image, il n'y a personne, en fait, c'est que des objets. J'avais envie que ce soit ben, comme des souvenirs, mais que ce soit pas forcément. Enfin, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a quelqu'un dans une pièce, mais que ça vienne comme ça, comme des impressions. On n'est pas vraiment sûr d'entendre quelque chose, mais en même temps, il y a des voix qui disent d'autres choses. Et pour faire ça, en fait, j'ai été aidée par. Par un autre étudiant de Louis Lumière qui justement fait des études de son et puis ensemble on a travaillé là-dessus quoi. Quand il y a un projet, après je vais laisser c'est trop rapide, je me suis un peu laissé déborder par le temps, c'est Pourville le nom du film. François, rapidement, je vais partir. Quand on voit un projet comme ça, quelle est la réaction d'un professeur? Est-ce qu'on j'aimerais juste savoir elle est venue avec quoi exactement au niveau du projet. Mais c'est parce que je voudrais peut-être qu'elle. Parce que là, il est 6h10, elle m'a dit qu'elle voulait partir à 6h. Oui. Donc elle va devoir partir. Donc elle était venue d'abord avec des textes, un texte en anglais, une pièce de théâtre en anglais sur le souvenir, voilà. Oui, c'était une pièce de théâtre que j'avais vue à Bobigny il y a quelques années qui s'appelle. Je ne me souviens pas du tout, surtout quand c'est en direct, c'est terrible. Mais c'est un super metteur en scène et justement, c'était sur le souvenir et la mise en scène, en fait, ça passait d'une idée à une autre et. Et je ne me souviens plus. Bon, vous savez quoi, parce que c'est très embêtant et voilà, je vais laisser partir Juliette, merci beaucoup. Et en fait je vais la réinviter ou en tout cas on fera une interview à part et comme ça on pourra parler un peu plus du film parce qu'il mérite largement plus que 5 minutes et il mérite surtout d'être présenté au festival Image par Image. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas présenté cette année. Parce qu'on a fait en fait tu sais quand on a fait la maquette avec Sébastien et Sébastien il me dit mais là, tu comptes présenter là, tous les films là, dans les 2 heures et tout ça, mais t'es fou Yves. Tu te rends pas compte et puis on commence à faire le... Yves, on va juste remercier Juliette. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Oui. Merci. Oui. Et donc il me dit, on fait le comptage des minutes que ça représentait. Il me dit, et donc ça s'appelle une table ronde discussion, mais en fait tu peux enlever table ronde parce que ça va être juste une projection. Et il avait raison, quoi. Mais c'est pas du tout pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un choix, en effet, qui est de pas avoir forcément sélectionné des... En fait, c'est aussi la réalité du festival. C'est-à-dire qu'il y a 17 salles de cinéma dans le Val d'Oise. C'est itinérant. Et donc, il y a une séquence du 17 mars qui est la seule où on va faire des vidéoprojections. Mais du coup, on va faire un programme de goûter au ciné, deux programmes de goûter au ciné pour des enfants des 2-3 ans et des 6 ans. Où il y a des films de l'ENSAT qui vont être présentés. Et en fait, ces films-là qui sont plus en vidéoprojection, en numérique, quoi. En fait, nous, il y a deux moments où on voulait les présenter. Il y en a un qui ne peut pas se faire, c'était dans le cadre d'une nuit et qu'on a dû annuler parce que c'était pas possible le lieu où on... Enfin, voilà. Et le deuxième moment, ça va être en plein air. On va faire une projection en plein air, en plein hiver, mais ça, c'est l'inspiration québécoise de Bernard Boulade. Ouais. Hein, et on va faire une projection plein air le 7 mars de 18h30 à 20h30 sur l'esplanade du RER de Sergi Pontoise. Ouais. Et on va projeter des films de l'ENSAD, des courts-métrages, on va projeter des films québécois. Parce que les projections en plein air, d'habitude, c'est l'été, quand il fait chaud, voilà. Et là, on s'est dit, les gens... Et on s'est dit, après tout, autant que ça, comme au Québec, voilà, il fait froid, les gens... C'est le printemps, en mars. Toi, c'est le printemps, ce qui n'est pas vrai, hein, j'ai vécu un an à Montréal, je peux vous dire qu'il fait froid encore, il neige jusqu'en avril ou en mai. Et donc, en fait, on va faire une projection chocolat chaud, une projection vin chaud, on ne sait pas quoi. Et les gens, ils ne vont évidemment pas s'asseoir et rester 1h30 devant un long métrage. Mais ils vont peut-être rester 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure. Ils vont découvrir des films qu'ils pourraient voir que s'ils étaient insomniaques entre 1h et 3h du matin sur Arte ou sur Canal+, dans certaines émissions. Enfin, voilà. Et là, l'idée, c'est de prendre un peu les gens par surprise. Et quand on va le faire avec la programmation de cours avant les longs métrages. Et de façon... Parce que l'animation, sans vouloir lancer un autre débat, mais c'est vrai que nous, sur l'action culturelle du Val-d'Oise, l'animation, c'est vrai, quand on parle, ça a quand même pas mal évolué. C'était que les longs-métrages à un moment donné. C'était que les longs-métrages d'animation enfant à un moment donné. Et même à un moment, c'était que Walt Disney. Ça a évolué avec Kirikou. Bon, enfin, on va pas refaire assez cet historique-là. Mais, on l'a déjà fait. Mais on est tout à fait... Sur la dimension du court-métrage, quand des gens viennent découvrir Yamamura, les films de l'ENSAD, la plupart ne savent pas forcément, même s'ils sont cinéphiles, que ça existe, tu vois. Yves, tu me connais, c'est purement de ma faute. On est super en retard. Mais quand j'espère en retard, c'est énorme à quel point on est en retard. Comme ça, je le dis à Nicolas, comme ça, il sait. Donc, on va, tant pis, on va passer l'autre hommage. Et je suis désolé, je sais qu'il me pardonnera, qui était le barbier de Séville, encore pour rendre hommage à mon grand-père. On va passer à juste ce qui est derrière le barbier de Séville. Je te remercie, Nicolas. On écoute. J'ai dessiné une séquence par jour pendant plusieurs semaines. Un film au jour le jour. Je l'ai revu un autre soir. Cette relation qui commençait était tellement bizarre. En attendant un appel d'Anne, je relisais de vieilles lettres. J'ai rêvé de Dorothée, que je connais depuis 4 ans. Elle se mariait avec un Anglais qui s'appelait John. Ça me faisait pleurer. Un autre jour. Tu passes au prochain ? Merci. Voilà 3 personnages. Tout le monde est reconnu à Sébastien. François, vous avez l'air de dire, bah oui, et Sébastien, putain, c'est quoi ce truc nul ? Allô ? Allô, Stan, c'est moi. Ah ben, ça fait longtemps. J'avais envie de te voir. En fait, j'avais envie de faire l'amour avec toi. Comme ça ? Après 3 mois ? J'ai toujours aimé faire l'amour avec toi. Ça t'a pas empêché de partir ? Donc, c'est Pulls de rêve, toujours, hein, 100% animation. C'était 2 extraits de journal et des canards dans les cuisines, les 2 films de Sébastien. Ça remonte à quand, journal ? Comme on le disait tout à l'heure, ça remonte donc à la première promotion d'animation, donc il y a 10 ans. D'accord, 96, 97. C'est bien ça. 97. Et il a été fini en juin 97. Et des canards dans les cuisines ? Ça remonte à il y a 4 ans. Donc, voilà ce que fait un élève des arts déco une fois qu'il est sorti de l'école. Il fait un film tous les 4 ans à peu près. Donc, et le prochain ? Dans 2 ans. Eh oui, parce qu'en fait, c'est un long, le prochain. Tu étais déjà venu. Ah oui, alors celui-là, c'est dans longtemps. Il y a un cours avant ? Il y a un cours, alors il y a un très très court, parce qu'il se trouve qu'avec Journal, j'avais eu justement une bourse pour partir au Québec, où j'avais rencontré Bernard, qui est en face de moi, j'avais commencé avec lui d'ailleurs un petit film franco-québécois qui n'a jamais été terminé, enfin, en tout cas dans sa forme initiale. Et il y a quelques années, j'ai repris les images. J'avais très très peu, j'avais 1 minute et demie. Et donc j'ai fait un film de 2 minutes, générique compris, voilà. Que personne ne verra peut-être jamais, sauf si on le met sur Internet un jour. Enfin oui, on va le mettre sur Internet. Voilà, on verra. Enfin, et si puis, je veux bien. Oui. Bah oui, je l'ai fini pour qu'on. On ne va pas le passer. Ah oui, il sera montré. Il sera montré image par image. Et puis, oui, un scénario que. Oui, enfin, j'ai commencé à écrire un nouveau scénario, mais j'ai pas le temps. Parce que je fais du graphisme en même temps. C'est ça, c'est à cause de gens comme toi, Yves, que les jeunes réalisateurs ne peuvent pas faire d'animation. Oui, mais c'est grâce à des gens comme lui que je pourrais écrire mon scénario après. Tu peux écrire, d'accord. Il y a quelque chose d'intéressant et dont on parle sur. On va donner le nom du site internet, parce que c'est toi qui m'en as parlé, Yves. Il y a une rencontre intéressante, c'est des câlins dans les cuisines et Lille. Juste après, vas-y, parle-nous de cette rencontre. C'est pas Sébastien qui va nous en parler. Yves, vas-y, dis-nous un peu ce qu'il en retourne. Non, c'est vrai que c'est dans l'idée de la rencontre, c'est une rencontre croisée entre des films de Sébastien, qui va être là, et de Chiara Malta, qui sera là, qui sera pas là. Mais son film sera, je sais pas, je pense qu'elle est. Oui, enfin voilà. Et Oui, c'est un peu parce qu'en fait, Sébastien est la compagne. Je suis sa compagne. Chiara est la compagne de Sébastien. Et Lille est un film assez étonnant. C'est un film très. Moi, c'est un film qui m'a. C'est vrai qu'il est assez étonnant, qu'on rentre dans une certaine intimité, qui est un film très amoureux et qui est aussi un beau film sur la création. Je sais pas si tu l'as vu, François. Non. Ah, c'est un très beau film. En plus, pour toutes les fans de Sébastien, on le voit torse nu tout le temps. Enfin, bon, c'est vraiment le film qu'il faut voir pour le voir. C'est très très belle. Oui, il y a une très belle photo dans le film. C'est un film qui a été commencé complètement par hasard, puisque en fait, au moment où je réalisais des câlins dans les cuisines, on devait partir en Italie, elle devait faire un tournage, elle devait faire chef opératrice sur un documentaire. Et elle tournait, elle voulait tester sa caméra, et elle a été fascinée par la lumière de la table lumineuse sur laquelle je travaillais. Et donc voilà, donc elle a testé sa caméra, elle a fait quelques plans comme ça, en noir et blanc, très beau, et je crois qu'elle a eu envie de... C'est dommage qu'elle ne soit pas là pour en parler, mais elle a eu envie de continuer, tout simplement, sans trop savoir ce qu'elle allait en faire. Et elle a construit son film après, en fait, à partir du moment où elle avait, comme ça, cet ensemble d'images. Donc elle m'a filmé pendant toute la fabrication de Décalin, de notre film, de Décalin dans la cuisine. Et elle m'a demandé ensuite... En fait, elle a réussi à faire quelque chose qui démarre comme une espèce de making-of, sans aucune explication. En même temps, on voit juste quelqu'un en train de dessiner. On n'est même pas très sûr de ce qu'il est en train de faire. Et puis petit à petit, ça dérive vers une espèce de poème, vers une espèce de... Ah oui, pour vous dire, ça fait partie de ces films comme Mr. Picasso, comme Straight No Chaser, pour les fans de Monk, où c'est des films... Non, mais c'est des films où finalement, on est dans la pure création sans explication. C'est-à-dire, on comprend ce qui se passe de manière intuitive, sans qu'on nous explique, ben vous voyez, là je fais mon premier dessin, là je fais le deuxième, là je fais ça. Il y a quelque chose, parce qu'en plus on sent une caméra, c'est vrai, quand je dis amoureuse, on sent vraiment qu'il y a quelque chose. C'est pas juste, c'est pas anodin non plus comme image. C'est un très beau film. Mais merci. Enfin, je sais pas si elle écoute, mais. C'est elle qui t'a demandé de te déshabiller ou... Non, il faisait très très chaud, c'était en plein été et on allait tourner. C'est pour ça que le film s'appelle Lille aussi d'ailleurs. On est allé. Son documentaire, elle devait le tourner sur une île du sud de la Sicile qui s'appelle Lampedusa. Et il faisait très très chaud et je travaillais dans une cuisine parce que c'était le seul endroit à peu près frais, mais enfin il faisait quand même 35, alors plus la lumière de la table lumineuse, ça chauffe. Ce qui est intéressant avec Sébastien, c'est qu'on parle de personnage torse nu. Yves, je te parle, mais hein, François, si vous voulez parler, c'est le côté très sexe hein, de ces films. Il parle pas mal, bien entendu, il parle pas mal de cul quand même. Dans le journal, dans des canons dans les cuisines, enfin bon, il parle même quasiment que de ça. Hein. Yves ? Oui, il parle de rebat au... On va dire de relations amoureuses et comme dans l'extrait qu'on voit, qu'on entend des câlins dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a avant, après, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien. Et non, c'est très beau, quoi, parce que c'est vrai que c'est au cœur de l'homme. Et voilà. C'est ce qui fait que Lille est aussi un très beau film dans cette relation et ce qu'il évoque, en oubliant ce qu'il évoque à un moment donné et en ouvrant tout le champ du possible. Quelqu'un veut rentrer. Bernard, tu, par rapport à Sébastien, la rencontre avec Sébastien ? La rencontre avec Sébastien. Enfin, avec ses films même. En fait, oui, avec ses films. Bah, c'est fait à Paris, en fait, pendant le Festival Nemo, première édition du Festival Nemo ici, où son film était présenté, effectivement. Où le journal était présenté, et c'est comme ça, bon, comme il a dit, qu'il avait gagné un prix pour aller au Québec, en fait. Puis il a pris grâce à toi que j'ai gagné ce prix, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Non. Bon, je faisais partie du jury, mais bon, ça arrive. Mais... c'est là où on comprend mieux les magouilles qu'il peut y avoir, genre... Voilà, non, ça avait été vraiment un coup de cœur, ce journal, comme pour plusieurs autres, hein, je ne suis pas le seul. Et c'est vrai que Sébastien, c'est une question qui l'intéresse vachement, je pense, la représentation de la sexualité à l'écran, enfin de l'amour, de la sensualité, je pense aussi beaucoup, et comment traiter aussi les souvenirs. Je pense que ça l'intéresse beaucoup, quoi, aussi tout ce qui touche un peu à ce qu'on a vécu et ce qu'on a envie de revivre, voilà. Et c'est un enfin, c'est ça qui le motive. Et bref, enfin, moi j'aime c'est vraiment à voir. Sébastien, il est déjà venu, donc on va pas. Mais c'est vrai qu'il y a ces films, journal et Décalin sont disponibles dans deux éditions, dans deux DVD, repérage. Je crois que les deux, Décalin aussi, non ou pas? Journal, mais peut-être pas Décalin. Journal est sur Animatique numéro 2. Et Décalin, non, il est sur le site de Arte ou sur le site de The Web Anime. Bah oui, parce qu'il est plus sur le site d'Arte. Ah bon? Non. J'ai découvert ça récemment, justement je voulais le dire pour pas dire The Web Anime, parce que mon site on va me dire ouais, à chaque fois il fait sa pub et tout, donc je me suis dit non, je vais pas le dire. Il est plus disponible maintenant uniquement sur The Web Anime. Ceci dit, puisqu'on parle d'internet, il y a effectivement le site de la pellicule ensorcelée. Alors voilà, c'est ce que je voulais qu'on donne, parce qu'en effet il y a un très beau mélange entre les deux, on t'écoute. Oui, donc la pellicule ensorcelée, donc qui est une association des Ardennes qui organise des projections de courts-métrages tous les mois et qui fait sur son site des dossiers à chaque fois, enfin demande sur l'ensemble des courts-métrages qui sont présentés chaque mois, ils choisissent un ou deux courts-métrages et ils demandent au réalisateur de constituer une sorte de dossier avec des documents, etc. Et pour le mois de janvier, nos deux films, donc Lille et Décalage dans les cuisines, sont en ouverture de ce site. Donc on peut trouver pas mal de documents, des éléments de storyboard, le scénario. Le storyboard complet, j'ai téléchargé le storyboard complet, des canons. Les croquis pour les séquences animées de Lille, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a des séquences animées dans Lille. Voilà, donc c'est www.lapelliculeensorcelée.org. Alors, pellicule, comme c'est pellicule, c'est ensorcelé avec EE, bien sûr. Voilà. .org. Non, j'ai fait l'erreur, je sais, je suis pas très bon en orthographe. On va écouter l'extrait d'après, comme ça va permettre à l'invité, dernier invité, de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on écoutait, Yves? Qu'écoutait pas, c'est bien. Bravo. Heureusement qu'il y en a qui écoutaient. Oui. Bah oui, non, c'était par rapport en plus à ton festival quand même. Oui. Donc c'est la course à l'abîme. En effet, bravo François de Schwitzgebel. Yves. Oui, qui va être notre invité d'honneur lors de la clôture du festival, ce fameux samedi 17 mars où on verra Jean-Marc Descalins. Et en fait, la séance de clôture à 20h30 lui sera consacrée. Alors, pourquoi pour jouer à Schwitzgebel quand même, c'est qu'on en a parlé légèrement, c'est que la francophonie cette année, oui. L'année c'est le Japon, cette année c'est la francophonie à l'honneur. Deux mots sur pourquoi d'un seul coup la francophonie, c'est juste... La francophonie parce que le cinéma d'animation est vecteur de multiples voyages pour différentes raisons, de migration, de politique, etc. Et on a le programme des archives françaises du film avec des réalisateurs russes qui sont venus s'installer en France dans les années 20, Starevitch par exemple, qui ont fait l'animation. Il y a le Québec, mais je vais essayer, avec des réalisateurs français, belges qui sont venus s'installer au Québec pour travailler, écossais. Bon, là c'est un anglophone, McLaren. Mais en fait, le cinéma, l'Afrique, la Suisse, donc Arnaud Demain avec la Belgique. Est-ce qu'il existe aussi? Il y a un chassé croisé très fort et il y a des coproductions très fortes. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle la mondialisation ou pas? En tout cas, c'est une mondialisation vertueuse qui est la mondialisation du partage et mais du vivre ensemble. Quand j'ai vu francophone, je me suis dit, est-ce qu'il existe un cinéma francophone? Après en avoir vu, non, Bernard. C'est une grande question. Hein. Parce qu'une littérature francophone, bon, peut-être, mais un cinéma d'animation en plus francophone. Il y a des points de convergence, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'il y a une culture commune, je pense, à certains pays, la francophonie, pas tous, je pense. Parfois c'est naturel, parfois c'est un peu artificiel, la francophonie, hein, c'est parfois un peu forcé. C'est qu'en France, le mot francophonie sonne plutôt mal. Hein. En général, c'est pas très apprécié. Parce que la francophonie, c'est la France, n'est-ce pas? Après tout, le reste, on s'en fout. Donc, c'est un peu cette image-là qu'on a de la francophonie, enfin, généralement en France. Et de l'extérieur, je pense, dans la plupart des pays où il y a des minorités francophones, où il y a des francophonies plus menacées, c'est une réalité, en fait. Et c'est une réalité parce que c'est un combat, en fait, tous les jours pour essayer de maintenir une culture vivante dans certains pays qui sont ou bien entourés d'anglophones comme au Québec. Bien même pour la Belgique, enfin je pense que les Wallons le savent, eux vivent difficilement aussi leur voisinage avec la France qui les vampirise d'une certaine façon à tout niveau, sur le plan de la production, en cinéma notamment. Les Suisses aussi sont tout petits en fait. Bon, on pense aussi à l'Afrique francophone qui est aussi un rapport un peu difficile avec la francophonie en général. Et donc il y a un peu cette idée je pense que l'idée de la francophonie, il y a un peu cette idée de néocolonialisme en fait qui passe et ça fait toujours un peu peur. Il y a des gens, même je pense en France, même les gens se retiennent de parler de dire francophonie parce que ça fait vraiment la France qui impose un peu sa façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a une francophonie, je ne sais pas si il y en a une. Moi, j'ai l'impression que l'animation est plutôt un art qui connaît peu de frontières, sauf certains films, évidemment, qui sont basés sur des textes. Mais pas tellement en plus celle de la langue. On imagine, même si c'est par exemple un film comme, alors encore plus évidemment, Les Câlins, même que Journal, mais qui parle pourtant beaucoup, les deux, encore plus Journal, mais c'est vrai, sont à mon avis largement compréhensibles et peuvent être compris aux quatre coins du monde. Bien sûr, Graal aurait pu être un film britannique. Il aurait pu être, enfin, il aurait une voix effectivement, et peut-être pas nécessairement français. Je pense qu'il y a certaines traditions. Il y a des pays bon, qui ont peut-être des traditions plus fortes dans certains domaines. Je pense qu'il y a des formes expérimentales, par exemple, qui ont été plus développées dans les pays anglo-saxons ou bien tout ce qui est en volume peut-être des pays de l'Est. Enfin, c'est vrai qu'il y a des régions dans le monde qui ont pu se développer certaines techniques et qui sont apparentées aussi à une culture plus ancienne selon leur histoire. Mais est-ce qu'il y a... Il y a par contre des différences entre au Québec, par exemple, l'animation. Il y a une animation française, il y a une animation anglaise aussi. Bon, parce que vous savez, au Québec, bon, notamment, l'animation commence dans les années 40, véritablement, avec l'Office national du film. Qui est d'abord une création anglaise au départ, et puis après il y a une section française qui a été créée par la suite. La section anglaise a été créée par McLaren, et ensuite bon, il y a la section française qui est venue se rajouter, je pense, une dizaine d'années plus tard. Et donc il n'y avait pas de tradition non plus. Donc peut-être qu'il y avait peut-être une tradition anglaise au départ, en fait même écossaise, puisque McLaren effectivement venait d'Écosse. Et même le fondateur de l'ONF, qui était John Pearson, venait d'Écosse également. Donc, ils se sont installés au Canada juste un peu avant la guerre. Et bon, l'ONF a été créé à ce moment-là pour faire la propagande, d'ailleurs, de guerre, en fait, au départ. Et donc, les premiers films auxquels a touché McLaren sont des films de propagande. Et donc, c'est vrai qu'il y avait... McLaren a développé tout un travail d'expérimentation, je pense, sur la forme et sur les différents types de matériaux qu'il a utilisés. D'autres ont suivi aussi. Et c'est plutôt du côté anglophone, effectivement, qu'il y a ce travail expérimental qui s'est fait, notamment à travers une université qui s'appelle l'Université Concordia, qui est un département d'animation. C'est quand vous entendiez tout à l'heure parler de l'INSAD. C'est mon école. Ah ouais, Concordia, voilà, ben, il a fait un an. Non, juste c'était pour dire, fallait bien. et donc cette tradition-là a été développée à l'Université Concordia. Et effectivement, il y a un travail sur la forme qui a été beaucoup plus poussé, des films plus personnels aussi. Et il y a eu d'autres écoles aussi qui ont poussé, d'autres écoles plus techniques. Et qui ont fait moins de films personnels. Donc, Et du côté francophone, alors là, c'est développé une autre culture, une culture un peu plus de volonté de dire des choses, en fait, de narrer, de faire passer aussi des messages, parfois un peu lourds. Et effectivement, il y a un peu ce côté un peu didactique. Et l'ONF en a fait un peu sa marque, un peu entre le didactique et le ludique, a réussi des fois, a raté à mon avis d'autres fois, et parfois c'est un peu trop donneur de leçons. Un peu. Il y a un cinéma un peu rébarbatif. Alors pour se plonger quand même, on va se plonger, parce que c'est vrai qu'au Canada, il y a deux grands, au Québec notamment évidemment, deux grands, il y a l'ONF et le reste de l'animation. On va faire comme tout à l'heure, on va écouter pour le premier qui comprend, puis on va parler, on va écouter deux, trois petits extraits. On écoute l'extrait jusqu'à après. Tout le monde fronce ses yeux, ce qu'il veut, se demande ce que c'est. C'est Madame Poule, ça ou... Eh non. Bien tenté. Mais c'était une question piège. J'étais par rapport à... Parce que là, on a vu Schussgebel, donc qui représente la Suisse. Là, c'est le principal invité, on va dire, canadien. Avec l'ONF depuis longtemps. Vous ne trouvez pas, on va écouter l'extrait d'après, s'il te plaît, Nicolas. Ça, c'était Driessen, La fin du monde en 4 saisons. L'extrait d'après. Je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Un effet de Philippe Noiret sur un texte de Giono sur le film. Ultra connu, mais à juste titre, très très beau film, L'homme qui plantait des arbres. Qui ne fait pas de l'ONF. Et voilà, qui n'est pas parti de l'ONF. Par contre, dont le son et la musique ont été faits. C'est étonnant parce que ce qu'on a entendu tout à l'heure, je mangeais Driessen, un son très travaillé avec très peu de musique, vraiment uniquement sur des. Des bruits, des choses qui tombent, comme François. Ou là, complètement avec une belle musique, avec une musique un peu, puis une voix. La personne qui s'occupe du son, c'est Normand Roger. Ouais. On voit partout. Normand Roger, c'est la personne du son qui est invité. Donc, il sera invité pour participer. Il y aura une carte blanche sur sa présence avec ses films présentés. Ça, c'est vraiment le côté super énorme du cinéma québécois. C'est Frédéric Bach. Il y a l'ONF d'un côté qui truste beaucoup de choses. au point, un point tel qu'il n'y a pas eu de développement en fait, c'est ça. De cinéma indépendant. Parce que Frédéric Bach, oui certes, mais c'est le seul. Énorme, on va dire. Il y en a plein, on va écouter oui, mais d'ailleurs. Frédéric Bach, c'est parce qu'il travaillait à la société Radio-Canada. Il travaillait à la télévision, en fait. C'est pour ça qu'il a pu faire ce qu'il a fait. En fait. D'accord. Et la société Radio-Canada donc, avait un secteur animation. En fait, c'est pour faire tous les génériques et en animation. Et puis, par la suite, il a proposé de faire des films d'animation pure. Et c'est comme ça qu'il a pu donc développer un studio à Radio-Canada, enfin la télévision de Radio-Canada. Et quand il est parti, le studio a été fermé. Donc il n'y a jamais eu de suite, en fait. D'accord, donc il n'y a quasiment que lui qui a pu profiter de ce... Radio-Canada, oui. Ouais. Je pense que c'est peut-être un des rares. Et on va écouter, parce qu'on va parler des indépendants, parce que c'est assez récent, on va écouter l'extrait juste d'après. Bravo. Et on va passer. Nicolas, je lui fais faire un aujourd'hui à l'extrait d'après. Peut-être François. Tu vas deviner celui-là. Cornouaille. Ah, Michel Cornouaille, chapeau. Film. Superbe, ouais. Je n'aime pas les grands films, ouais. Voilà, bouleversants, ouais. Sur un sujet difficile, on va dire, la pédophilie, enfin quelque chose d'assez. Mais qu'elle traite de manière très étonnante, on va dire, avec un mouvement comme ça, en plus de personnages qui tombent. Sébastien, tu l'as vu aussi, je suppose, non Oui, je l'ai vu il y a assez longtemps, enfin il y a assez longtemps, il date d'il y a quoi Il a peut-être 10 ans, je sais pas. Ben, c'était. Et oui, enfin, je me souviens qu'il m'avait fait une forte impression, mais j'ai une très mauvaise mémoire en fait des films, donc je revois quelques images et je revois surtout 1999, moi j'ai sur mon catalogue. Oui, c'est ça. Je pense, plusieurs dates. Non, mais c'est possible sur 1999. On va voir. Donc oui. C'est quand cette émergence de cette nouvelle génération, on va dire du cinéma d'un cinéma indépendant, plutôt indépendant, hors. Bon, Michel Cornouaille, ce film est quand même pas indépendant, il était tourné à l'ONF. À l'ONF aussi, donc. Il fait partie de l'ONF. Donc, il y a très peu de films indépendants. Il y a quelques cinéastes bon, qui ont fini leurs études à l'Université Concordia, qui ont essayé de faire des choses, qui ont essayé de créer des petits studios, qui ont essayé de démarrer des petites structures autogérées, tout ça. Ça a toujours été très difficile et finalement, est retombé dans le giron de l'ONF. Et l'ONF a développé, on fait des concours pour recruter des jeunes cinéastes, ont essayé de développer des. Ont essayé d'accueillir des nouveaux réalisateurs. Ils en prenaient un par deux ans. Et finalement, l'ONF ne sait pas est-ce que c'est occupé vraiment de la génération suivante, enfin des générations suivantes, pas énormément. C'est-à-dire que l'ONF a fait travail un peu en cercle fermé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'ouverture tellement? C'est comment un jeune cinéaste peut rentrer à l'ONF? Il y a un concours. Pour soumettre des projets, ils recrutent une personne. Je pense. C'est ça, voilà. Je ne sais pas si c'est une fois par année ou chaque deux ans. Et donc, il y a le département anglais et français. Sinon, on se débrouille. Alors, il y a des gens qui se débrouillent et qui se battent, comme Luc Otter, par exemple, qui est vrai indépendant. Donc Luc, comme disait tout à l'heure Yves, est un Français qui a étudié à la Cambre en Belgique. Ça c'est un vrai cinéaste francophone. Voilà. Qui l'exemple type. Voilà. Voilà. Et donc qui a étudié à la Cambre et qui s'est installé à Montréal et qui a essayé de faire. Il fait alors du travail parfois un peu commercial. Il fait différentes choses, parfois pour des chaînes américaines même. Il fait des trucs tout à fait et très personnels parfois. Des trucs pour enfants. Il fait des films aussi pour enfants. Mais généralement c'est des petits films assez courts. Il a fait de la pixelation, des trucs en volume avec la pâte à modeler. Après, il a fait du dessin. Maintenant, il travaille en 2D chez lui, en fait, enfin dans son studio. Il s'est monté un petit studio tout seul, en fait. Il travaille tout seul, il s'est débrouillé. Il a un projet, notamment avec un de ses anciens collègues enfin de la Cambre. Il essaye de le produire, notamment avec l'aide de l'ONF. Je ne sais pas si ce film va se faire. C'est un film de 26 minutes, en fait. Et il sera là le mercredi 14 mars à 19h au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, où on présentera des films et tu seras là évidemment pour, je serai là, pour parler un petit peu avec lui. Il y a d'autres films également dans ce programme-là. On a aussi joint d'autres films faits dans le cadre d'un projet spécial, enfin un projet un peu particulier qui a été créé il y a peut-être plus de 5 ans au Québec, qui s'appelle Kino. Et Kino, ce sont des gens qui sont mis ensemble pour faire des films le plus vite possible, avec le moins d'argent possible. Et le montrer de la façon la plus rapide possible. Voilà. Enfin, donc, c'est vraiment de l'artisanat pur avec des caméras très très simples. Et il y a, la plupart, c'est des films de fiction. Et il y a quelques-uns qui quelques ont fait quelques-uns qui ont fait des films d'animation. Donc on va présenter quelques-uns de ce programme. De ce programme-là, parfait. Mmh. Donc on va accueillir Sébastien qui est arrivé. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui est directeur de Ciné Junior. Ça tombe bien parce qu'en fait, on va faire une passerelle. À partir de ce moment, on va faire une passerelle. Ciné Junior, c'est Val-de-Marne, 31 janvier, 13 février. On va écouter rapidement, alors juste un tout petit bout. Et on va écouter de l'extrait qui est juste après. Rentré chez lui, il réfléchit à une solution pour sauver le village. Qu'en faut-il faire? Il va François. Consulter le féticheur du village. Ouais, j'ai juste eu un tout petit bout seulement. C'est un film qui n'est pas montré, qui est assez difficile, qui est produit par l'ONF, qui est La mort de Ganji. La mort de Ganji, qui est un film qu'on peut voir sur tout petit bout sur l'extrait. En fait, c'est un film de Mustapha Alassane qu'il a fait à l'ONF. Pourquoi Mustapha Alassane? Parce que il va avoir un croisement entre Ciné Junior et Image par Image de quelque chose qu'on avait déjà vu, notamment aussi au Festival de Paris, je crois, l'année dernière. Il faisait quelque chose qui est le cinéma africain, cinéma qu'on voit souvent très peu quand même. Je sais pas, François, toi qui as fait pas mal de festivals, Sébastien aussi, on n'en voit quasiment pas. S'il y a eu des rétrospectives dans Feu, le festival pas Tréguier, mais enfin 10 sur 10, les rencontres 10 sur 10. D'accord. Il y avait à chaque fois un programme de 2 heures. Ils avaient fait aussi à Vissembourg, c'est ça, il y avait quelque chose. Et donc là, il va y avoir 3, 6, 8 films qui vont être présentés de cinéma africain. Ça s'est fait comment? Vous connaissez depuis longtemps vous deux, tu viens d'arriver, vas-y, pas Sébastien. Oui, on se connaît depuis longtemps, je connais le travail d'Yves sur son département. On n'a pas eu encore l'opportunité de croiser nos activités, puisqu'on a quand même deux festivals qui sont un peu au même moment, qui se suivent, donc c'était un petit peu l'opportunité de travailler ensemble, donc on s'est mis d'accord là-dessus. J'espère que voilà, c'est une opération qu'on va pouvoir renouveler avec les années pour essayer de créer du lien en Île-de-France. Alors oui, voilà, du lien en Île-de-France, c'est important de présenter du cinéma africain, je suppose, pour justement toutes les personnes qui sont issues, on va dire, de l'Afrique et qui sont. Est-ce que c'est important de montrer qu'il y a un cinéma qui se fait aussi là-bas, même si c'est pas facile et même si c'est difficile, mais que c'est peut-être un cinéma qui est où on peut. Il y avait ce film qui s'appelait The Legend of the Sky Kingdom, qui était un film, je crois, sud-africain à l'époque, qui était fait avec plein de choses ramassées. Zimbabwe. Du Zimbabwe, merci, qui était fait de choses ramassées. Est-ce que c'est important de montrer ces films africains? C'est important, en fait, surtout de montrer. On parlait de francophonie, tu vois, du lien, et de montrer surtout des films africains faits par des Africains. Et ça, parce que des films africains, d'animation ou autre, fait par des Français, des Suisses, des Canadiens, des Belges. Il y en a un paquet. Mmh. Il y en a sûrement 10 ou 20, voire encore plus. Mais des films faits, et c'est pour ça qu'il y en a très peu, et que c'est un programme qui est déjà vu pour certaines personnes qui connaissent ceci. Et voilà, et donc c'est vraiment. Et il y a un des films que vous passez, qui est vraiment intéressant, qui vient un peu en nouveau, c'est l'Atelier Grafoui, qui est une ONG, en fait, qui mène un travail à Bruxelles sur justement le fait que de développer des projets, et pas une fois de plus réalisés par un réalisateur belge ou français, etc., mais des réalisateurs locaux, quoi, et qui a un vrai travail, et ouais, ça, c'est vraiment passionnant. Et c'est dans ce sens-là qu'on. Il y a besoin, de toute façon, on en parle, il y a besoin d'un vrai travail entre les cinéastes africains et en France, en Belgique, enfin plus d'autant plus dans les anciens pays coloniaux qui ont quand même justement des devoirs par rapport à aujourd'hui, justement pouvoir leur donner la possibilité, leur faire comprendre qu'ils ont largement la possibilité de faire du cinéma d'animation. La Belgique, pourquoi j'aime bien les films du Nord et la boîte, pas grave, mais pourquoi c'était peut-être pas ils sont pas mal en France, non? Ouais, justement, on parlait du lien là, sur la francophonie entre les pays, et c'est vrai que comment est-ce qu'on peut être à cheval entre la Wallonie et la France et le Nord. Et c'est vrai que c'est une alternative assez originale qu'a trouvé Arnaud Demoigne, qui est à la fois producteur et à la fois réalisateur, avec un studio de production d'être qui a réussi à s'imposer, on va dire, très rapidement, et d'autant plus bien à mettre, on va dire, dans ce programme, c'est qu'il n'a jamais quasiment d'aide du CNC, et que je lui ai promis qu'un jour on ferait cette fameuse émission dont je parle à chaque fois sur le CNC, sur les magouilles du CNC, sur tout ça. Évidemment, personne n'a envie de critiquer le CNC, comme Arte. Je pense qu'on fera quelque chose sur le cinéma CNC Arte, parce qu'Arte aujourd'hui c'est un peu notre ONF à nous, non? si vous voulez, si on veut faire, peut-être que personne ne va vouloir parler, mais est-ce que si on fait un film aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un film sans l'accord d'Arte, d'Hélène Bessière? En plus, c'est une seule personne qui décide. Non, personne. Non, mais moi je veux dire. Non, c'est pas méchant en plus. Hein. Et on a fait partie plus ou moins de commission. C'est pas, CNC, oui, voilà, c'est juste pour. On fait partie de cette espèce d'établissement bizarre. Voilà, c'est. Mais évidemment que l'ONF, comme Arte ou comme le CNC, puisqu'ils sont dans une situation involontaire de monopole. Complètement, bien sûr. Donc on peut pas reprocher à Arte d'être le seul, la seule chaîne s'intéressant à des films. On pourrait reprocher aux autres de ne pas s'y intéresser. Voilà, non, c'est juste être inquiet par rapport à ce qui se passe, on va dire, de ce désert qui fait que d'un seul coup, une seule personne ou une seule institution, finalement, se retrouve avec tout et donc forcément va vers un seul, vers un style d'animation, on va dire. Bien sûr. Non, c'est vrai que c'est pour ça que plus il y a d'institutions comme plus il y a de voies pour trouver des solutions pour des réalisateurs. Là, tu vois, on pourrait parler de Centre Image aussi, où on fait un focus. On écoute rapidement. Ah, oui, alors, c'est pas l'extrait d'après qui était l'extrait de Recto Verso pour faire la boîte, ce sera l'extrait qui est juste après, s'il te plaît, Nicolas. Il est monté avec sa pizza à la main et le bus a repris son chemin. Il marmonnait. Alors, tout le monde a trouvé, c'était c'est la bouche cousue avec à la fin. Il n'a même pas scotché. Il n'a même pas scotché. Un refrain qui revient. Vous le présentez en plus. Encore un film, non, qui est dans les deux, puisque c'est lors d'une programmation dans Ciné Junior qui va être. C'est plutôt agréable hein, comme idée, qui s'appelle, rappelle-moi déjà, qui s'appelle, qui s'appelle À table. Hein, petite gourmandise et pour tous les goûts, vous verrez pas mal de choses, petite gourmandise vraiment pour les plus petits et pour tous les goûts, on verra notamment ça, pour, dans le festival Image par Image, c'est pour un hommage à Centre Image, tu nous en parles très, évidemment très rapidement, Centre Image avec... deux, quatre, trois grands noms. Là, on va voir des films de Pierre-Luc Grangeon, Jean-Luc Gréco et Catherine Buffal, qui sont des gens qui sont vraiment imposés en quelques années comme des grands auteurs de l'animation française. Le samedi 10 mars, Jean-Luc Gréco et Catherine Buffal qui seront à Gonesse, Image Prévert à 18h. Et le 12 mars, Pierre-Luc Grangeon. Avec toujours dans l'idée là, du festival d'avoir à la fois un studio, une institution et un réalisateur avec, si possible, l'intégralité de ses films. Et là, c'est le cas. Qu'on projette et c'est des réalisateurs Pierre-Luc, Jean-Luc et Catherine qui sont issus on va dire de Folle Image et qui à un moment donné tournaient un peu en rond dans cette petite planète qui est Folle Image et pour qui Centre Image a été une solution de coproduction et d'accueil de tournage qui leur a permis de développer des projets qu'ils auraient fait sûrement mais dans un moindre confort et Pierre-Luc présentera le Loup Blanc qui est le Grand Prix à Vendôme devant d'autres films qui étaient des films en prise de vue réelle. Ça a eu une petite révolution là-bas, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas habitués. Et voilà. Dernier extrait. On va écouter, parce qu'il va être très rapide. On écoute pour le dernier événement d'Image par Image. Такая долго растянувшаяся встреча. Потому что первый раз, случайно, я купил книжку, когда мне было лет 15-16, но я все равно ничего не понимал. On peut couper. C'est bon, c'était. Alors, c'est pas francophone. Non, c'est qui ce monsieur? Un grand monsieur de l'animation. C'est plutôt russe. Hein. C'est plutôt russe. Non, c'est pas Starevitch. Quel est le grand monsieur de l'animation russe aujourd'hui? Nordstein. C'est Yuri Nordstein. Voilà, je voulais parler. En fait, c'est la bande-annonce. On en juste. C'est le début de bande-annonce de Jour d'hiver. Ah oui. Donc, Jour d'hiver qui sera présenté ou pas finalement? Bah oui, oui. Tout oui, Jour d'hiver. Alors, grand film, Jour d'hiver, qui n'a pas été présenté à Annecy. Alors que c'était le film évident pour le Festival d'Annecy qui avait été présenté uniquement en France quasiment au Forum des images hein, pour le Festival japonais enfin le japonais ce qui n'a jamais été présenté c'est un florilège on va dire il y a Nordstein Yamamura Takahata Marc Becker Raoul Server Petrov c'est incroyable qui prennent ça c'est étonnant c'est un film qui sortira en plus qu'à la fin de l'année visiblement tout peut-être si ça sort il a été remonté en fait par les films du Paradoxe il y a toujours les 40 minutes en fait de réaliser sur les séries de Haïku et en fait il y avait un documentaire qui durait 50 minutes et ils l'ont remonté à 20 minutes pour sortir en fait un programme d'une heure. Et en fait, ils sont en voie de bientôt le kinescoper. qui passe en 35, et nous on va le présenter en bêta SP. Ça c'est, ça, il va à y avoir l'ouverture du festival le 13 février. Voilà, parce qu'il y a quand et même. Il sera aussi le 10 mars à Gonesse. On présente des courts métrages évidemment dans ce festival. On présente aussi quelques longs métrages. La Reine Soleil. De Philippe Leclerc. Ouais, ça fait peur, non? Enfin bon, Jour d'hiver, qui a l'air vrai, qui est magnifique, évidemment. Fabuleuse, non, ça va être très bien. Peut-être le film de Goro Miyazaki aussi. Fabuleuse Fabulette, qui est très décevant. J'aime beaucoup les films du préau, normalement. Elle sort des choses absolument incroyables. À part les Fabuleuses Fabulettes, si, il y a Lune Olympe Petit Naturiste, que j'aime bien, de Cecilia. J'avoue que les autres sont un petit peu moins... Naturaliste. Convaincu. J'ai dit quoi? Petit Naturiste. J'ai une petite naturiste, c'est vrai, c'est parce que t'es à côté de moi, c'est Sébastien, c'est parce que Sébastien t'es à côté de moi, donc forcément petit naturiste. En même temps, c'est un programme qui fonctionne bien avec les petits, oui, c'est quand même pas évident de trouver des programmes un peu cohérents pour les plus jeunes. Franchement, on peut pas leur... elles sont quand même super... Elles font un travail, non, elles font un travail énorme, c'est juste que justement les autres programmes étaient tellement impressionnants que là notamment il y a l'oiseau à propulseur quoi, qui sont très mignons on va dire, mais c'est vrai qu'en plus qu'apportent rien au niveau de la technique, alors qu'elles ont jusqu'à présent dans tous leurs programmes les films du préau amené toutes les techniques possibles et inimaginables, enfin c'est assez étonnant. Pas de polémique, elles font suffisamment un super bon boulot pour qu'en effet ne croyez pas que j'ai voulu dire une méchanceté pour eux. On va pas écouter le morceau d'Yehudi Menuhin, encore une fois on l'écoutera tant pis la prochaine fois, parce que là il ne reste plus rien, on va écouter l'extrait qui est juste après. Voilà, ça n'est pas loin, on passe, c'est fini, on a arrêté avec image par image, on dira après évidemment les derniers, tout ce qui est site internet, on passe maintenant à Ciné Junior, parce que, en deux mots, Ciné Junior, la présentation du festival. C'est un festival qui a trois particularités, finalement, parce que Yves fait un peu la même chose, c'est un festival qui est décentralisé au niveau d'un département. Nous, c'est vraiment un festival qui est conçu avec les 15 directeurs de salle, donc c'est un vrai partenariat. Tout le monde est vraiment partie prenante au niveau de la communication, de la programmation. Tout est vraiment réfléchi en commun, donc c'est un peu lourd, mais c'est un peu ce qui fait notre force. Donc, deuxième aspect, c'est un festival donc, pour les enfants entre 3 à 15 ans. C'est un cinéma qui n'est pas spécifiquement jeune public, plutôt un cinéma d'auteur tout public qu'on veut montrer à des enfants. Parce que troisième aspect, c'est encadré très particulièrement en amont avec l'édition d'un matériel pédagogique adapté à l'attention des encadrants, et en aval avec des rencontres avec les réalisateurs. Alors là où j'ai été surpris, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, c'est ce que vous venez d'entendre un petit peu avant, alors c'était la musique de Wind Along the Coast, qui est le film d'Ivan Maximov, que vous avez peut-être vu, un très joli film qui est passé cette année... à Annecy, non François, tu viens plus à Annecy, forcément, tu es plus au courant, mais... vous avez vu, vous rappelez, une petite fille, ah oui. Et ça se passe, une espèce de long travelling, un petit peu avec du vent. Je crois que c'est sur du Chick Corea, c'est pour ça. Enfin, c'est Chick Corea. Pas de Metheny, mais c'est vrai que c'est une espèce de mouvance comme ça, un peu jazz, voilà. Et alors, ça, c'est très surprenant parce que c'est un film qui est très poétique, qui est très beau. Et j'étais surpris de le voir dans la. Il y a une compétition de long métrage où il n'y a qu'un seul film d'animation, il y a des compétitions internationales de court métrage. Et il y a les 3-6 ans, les 7-10 ans et les 11-15 ans. Et j'étais surpris de voir ce film dans la compétition pour les 3-6 ans. Et c'est là, en fait, où j'ai eu l'explication que c'était les exploitants de salles, vous leur montrez les films que vous avez envie de montrer, et eux vous disent, ça c'est pour tel âge. Tout à fait. Vraiment, moi, avec mon équipe, on fait des présélections assez importantes. Et on organise plusieurs rendez-vous dans l'année. Ce sont des rendez-vous importants où on rencontre les directeurs ou animateurs responsables jeunes publics. Et là, on choisit ensemble les films, on affine la programmation et surtout, eux sélectionnent les âges. Donc, c'est des propositions d'âge. Il peut y avoir, en fonction des pratiques, des différences assez fortes. Le programme 3-6, voilà, il y a une majorité qui s'est dessinée pour que le Maximov soit sur les 3-6. Par contre, le film suivant de Maximov qu'on nous a finalement bien voulu nous présenter à Ciné Junior, Tonnelage, qui est un peu dans la même mouvance... qui sera dans, lui sera dans le programme 7-10. Voilà, donc c'est... Voilà, c'est surprenant cette idée de donner aux exploitants de salle, de dire, voilà, pour vous, c'est quel âge? Et finalement, on a des surprises, parce que moi, je l'avoue, je ne l'aurais pas forcément montré à des enfants de 3 ans à 6 ans. C'est eux qui vont le présenter, ceux qui vont vraiment le défendre, ceux qui font la captation du public, ceux qui font les présentations. Donc après, c'est à eux aussi de... Voilà, ils savent ce qu'ils font. Donc c'est du 31 janvier au 13 février, dans plein de salles... Dans 16 salles. 16 salles du Val-de-Marne. Donc on a dit compétition long métrage, donc qui nous intéresse que pour un seul film Gadgetville, pas vu, qui a l'air sympathique. Estonie, qui est intéressant. Ah, qui est intéressant. Non, c'est fou en plus parce qu'il y a un couple d'auteurs, qui commence à travailler là une cinématographie, c'est leur premier long. Il y a quelque chose. Et il y a eu un changement visuel qui revient régulièrement. Oui, il y a un gros changement. Il y a un grand changement qui est quand même parce que il y a un film donc qui s'appelle Les Contes de Grand-Papa qui sont en fait des films de Piotr Sapegine. Hein, que vous connaissez, grand monsieur de l'animation en volume notamment, et tout qui donc ça va être un film qui va être mis en compétition, finalement, en film long métrage, proposé en compétition. Et ouais. C'est plusieurs de ces courts métrages en fait, c'est 3 ou 4 courts métrages hein, qui sont mis les uns au bout des autres, mais plutôt bien fait. On sent pas, c'est pas Kirikou, non, pardon. J'allais encore dire une méchanceté, il faut que j'arrête un petit peu. Non, j'avais reçu en plus Bénédicte, mais on sentait plus dans Kirikou les bêtes sauvages un côté un peu petites histoires mis des uns les autres. Là, on va dire que c'est mieux mis les uns avec les autres. C'est un grand-père qui va raconter à sa petite-fille, ce qui est déjà le cas dans un des courts-métrages. C'est pour ça qu'il a peut-être eu cette idée. C'est ça, oui, il a quand même recréé des liens entre les 4 courts-métrages qu'on propose. Et vraiment, ça fait un moyen-métrage qui se tient vraiment. C'est vraiment une nouvelle œuvre, en fait. Il y a vraiment des petites séquences sur un prétexte également à la fin, une chute qui est vraiment cohérente et qui fait appel aux choses qui sont montrées qui sont racontées par le grand-père à sa petite fille. Non, c'est bon, je suis très content de le montrer. En plus, il nous fait le plaisir de venir nous voir. Il sera là du 8 au 13. Absolument. Donc il va pouvoir les rencontrer, les enfants dans les classes et dans les salles. Mais nous sommes plutôt content de Mais donc, c'est Aria, en fait. Voilà. Ah, ben oui, et ben, il pourrait y avoir un partenariat, il pourrait peut-être venir. Ouais. Ben, voilà. Finalement, il va rester 3 mois à Paris. Hein, voilà, j'ai un hôtel pas cher. Plus longtemps, ben, c'est bien. Voilà. On pourrait vous payer les. Oui, ça s'est décidé là. Donc, ouais, ça non, mais c'est 8 au 13 février. Hein. C'est ça, oui, il partirait le. Il part le 14. Hein. Vous ferez ça après, monsieur, merci. Incroyable. Donc, il y a les couleurs de l'Afrique aussi qui passent. Je sais que c'est de ma faute si on est en retard, parce qu'il y a plein de gens passionnants. Et c'est moi qui vous oblige un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps pour tout finir. Les contes animaliers, donc les contes animés, pardon, couleurs de l'Afrique. On va écouter juste l'extrait qui est juste après. S'il te plaît, Nicolas. Mes chers enfants, la guerre est finie maintenant. Vous êtes démobilisés. Rentrez chez vous. Votre solde ne sera pas payé. Rentrez dans vos foyers. C'est un ordre. Alors, vous avez reconnu donc ? Oui, moi j'ai reconnu. On va quitter. Voilà, c'est intéressant, c'est donc un film qui s'appelle L'Ami Gabon, un film de Rachid Bouchareb qu'il a fait donc 2 ans, 3 ans maintenant même. 3 ans avant Indigène. Avant Indigène. On a beaucoup parlé d'Indigène, on n'a pas parlé tellement finalement de L'Ami Gabon qui était sur le même sujet. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas les voix de... Qui est tout aussi bon, plus hein, court, mais tout aussi bon. De tous nos amis stars qui ont permis cette... mais c'est dommage, parce que Chirac aurait dû voir ce film déjà, peut-être qu'il y a 3 ans, on aurait eu droit à la solde des anciens combattants, parce que ça parlait évidemment des anciens combattants sénégalais. C'est dans un très bon programme qui s'appelle le documentaire... Ça y est, quand je commence à parler vite pour aller, je mange mes mots. Le documentaire animé qui va être présenté avec des choses assez étonnantes. Donc il y a L'Ami Gabon, il y a Paul, il y a Caché sur un petit garçon péruvien, c'est ça, qui se retrouve en Suède. Et on va, c'est une espèce de cinéma vérité comme ça. L'idée est venue d'où? L'idée est venue autour du film canadien Louise, qu'on a vraiment adoré au sein de notre collectif. Louise, voilà. Et on s'est dit, il faut trouver quelque chose pour éveiller le regard avec cette nouvelle forme, comment parler du réel avec de l'animation. Pour les enfants, c'était plutôt original. Donc ça fait 2 ans qu'on est sur ce programme. On a pu finaliser, on est très contents. On a donc Paul aussi, le Paul de Cécile Rousset. Quand on a entendu un extrait justement. Extrait, c'était celui-là, d'accord. Et donc Cécile Rousset sera là parmi nous également pour rencontrer les enfants. Parce que c'est intéressant, c'est que ça va permettre dans le documentaire animé, finalement, de montrer des choses aussi difficiles qu'en effet que Caché ou L'Ami Gabon, des choses comme Louise, donc le film québécois où on va voir une personne âgée, enfin vivre, etc. Et le petit vélo dans la tête, Fabrice Fouquet, au premier dimanche d'août de Florence Millaille. Donc on va pouvoir voir justement beaucoup de choses comme ça qui vont déboucher, je pense, sur les univers. Tu parlais de voyages complètement différents, on va dire. C'est assez passionnant comme rétrospective. On a Les Aventures du Prince Ahmed, François. Oui. Film important, non? Oui, c'est le premier long métrage de l'histoire du cinéma d'animation. Il y a eu un Argentin, mais perdu. Ouais. Donc, ça n'est pas Disney le premier. Et non c'est pas celui-là, Walt Disney il est absolument magnifique. Qui est absolument incroyable. Voilà. Hein. Donc là, c'est une version colorisée. On voilà, a une nouvelle version qui va sortir chez Carlotta. Ouais. Et un groupe d'électropop parisien là, qui va faire un truc magnifique avec des ondes thérémines. Vraiment des choses assez épatantes. On a vu le filage, là, ça va vraiment être très, très bien. Donc ça, et ça sera pour l'ouverture le 31 à Arcueil, 31 juin. Et évidemment, un festival, alors on n'a plus le temps, on ne va pas écouter. Il y avait un extrait du le génie de la boîte de ravioli et Nassou, qui sont deux. Parce qu'évidemment, c'est bien de la compète, c'est bien, mais à côté de ça, vous essayez d'avoir plein de thématiques. Il y a grand auteur, petit spectateur. Il y a À Table et il y a Vidéorama. Donc À Table, on en a parlé. Hein, c'est évidemment voilà, donc, une un thématique. Intéressant pour les plus jeunes. Hein. Alors, on a des choses intéressantes comme nos adieux musicals de Girard, quand il faisait des petites choses encore à l'époque. Non, il a fini avec des nouilles, des pâtes. Mmh. Ouais, merci. Normalement, enfin, c'est signé aujourd'hui. Alors, en tout cas, sur le film, il est signé des deux. Il est signé de Girard et de Laurent Pouvaret. Décidément, même les anciens courts-métrages, il les a piqués. Et il met son nom dessus. C'est dégueulasse. Non, mais il n'écoute pas, vous inquiétez pas. Donc on peut y aller. Il n'écoute pas Radio Libertaire. C'est un film qui est vraiment signé Pouvaret. Voilà. Ah oui, en plus, c'est vrai qu'avec l'idée des pâtes. Ils sont amis, hein, donc ça va. Et Vidéorama, tu peux nous parler en dernier de Vidéorama, donc parce que là il y a plein de choses pour c'est quoi d'un seul coup l'impression c'est tous les films que vous vouliez montrer qu'il y avait pas de place non enfin, pas du c'est... tout parce que nous en fait on a vraiment une réflexion sur la diffusion et puis sur cette fédération de salles de cinéma public et associative. On joue dans 10 salles de cinéma et 5 salles qui sont plus entre le théâtre, la salle des fêtes, dans des lieux comme ça un peu plus alternatifs qui sont pas équipés en 35 mm. Donc nous on avait quand même envie, quand on va à Annecy par exemple ou dans d'autres festivals d'animation, on se rend compte de la production de films de fin d'études ou de films de télévision qui valent vraiment le coup. Donc on a essayé de créer cette programmation vidéo qui circule dans plusieurs salles non équipées en 35. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des programmations qu'on a envie de faire de diffuser le plus largement possible. Et Nazu, c'est un film que moi j'avais vu à Cannes. Oui, qui est un film étonnant. On a longtemps cherché une 36 mm sous-titrée, on n'a pas trouvé, donc là il est dans ce cadre-là en vidéo. Il est sorti en vidéo chez... Le Giro, le Tour espagnol de cyclisme, enfin un truc incroyable. Je me retourne à Nicolas, c'est fini, faut qu'on arrête. Alors on va vite, rapidement dire les sites internet, on va dire un peu où on peut avoir des informations. Yves, en premier, est-ce qu'on peut téléphoner? Il y a un numéro de téléphone qu'on peut. 01 34 25 37 14. Répète-le. 01 34 25 37 14. Voilà. On a le site du Val d'Oise, valdoise.fr, tout attaché. Et on a un partenariat avec un super site d'animation qui s'appelle The Web Anime. Et voilà, et donc tu connais bien. Hein, je crois. Toutes les infos, voilà, la page sera mise au début de semaine prochaine. Avec aussi toutes les archives des précédents festivals. Une partie en tout cas. Intérieur. Voilà, bien joué. Et en tout cas, en effet, sur The Web Anime, on essaiera de tout concentrer pour vous donner un peu plus du festival image par image qui est si dense. Et je pense même que pour les gens qui ont été intéressés, j'essaierai de voir Bernard qui fasse un petit topo et qu'on puisse le mettre sur le site de manière à ce qu'on puisse faire, Sébastien aussi, ce qu'on puisse avoir un peu un prolongement de cette émission qui est évidemment comme d'habitude trop court. Sébastien, donc pour Ciné Junior, c'est cinéjunior94.org ou le 01 42 26 02 06. Vas-y, redis tout ça une deuxième fois. cinéjunior94.org et 01 42 26 02 06. Et alors pour dernier collab, parce qu'évidemment j'ai sauté des choses, on passe directement à la dernière. On a commencé avec Chaplin, je vous l'ai dit tout à l'heure en hommage à mon grand-père. On finit avec Chaplin, c'est un grand fan de Chaplin et il me parlait tout le temps de la même chose, la danse des petits pains. On finit avec la danse des petits pains de Chaplin et on se retrouve d'ici 15 jours, 3 semaines, j'espère, pour la nouvelle émission. À bientôt, merci à tous. Merci. And there was Georgia caressing him with her smiles and tender glances. And the girls called for a speech. But he was too happy to speak. All that mattered was Georgia was there. Georgia. So he muttered and stuttered and finally said, I can't make a speech, but I'll do a dance. And a dance he did with the rose.